de Renault. French Touch, la touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture sur l'autorisation, voir Renault.fr. C'est l'heure de la météo maintenant sur RMC. La météo de votre week-end avec Valentin Mailleux. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Ce dimanche se déroule encore sous la grisaille et les averses sur une bonne partie nord du pays. Ce matin, il pleut de la Normandie au Pays de la Loire et en Bretagne. À l'est, des pluies aussi, mais sous forme d'averses de la Champagne-Ardenne, l'Alsace et jusqu'en Bretagne. En revanche, le sud profite du soleil, surtout près de la Méditerranée. Cet après-midi, le temps restera perturbé du nord au massif central et dans l'est avec des nuages, des averses et des orages localement. Et puis toujours du soleil des Pyrénées à la Corse, avec le vent qui souffle jusqu'à 80 km/h près de la Méditerranée. Pour la semaine, ce temps perturbé va continuer, avec quand même toujours du soleil dans le sud. Les températures sont encore en baisse, surtout au nord, à 18 degrés à Brest et Cherbourg, 19 pour Paris, Lille et Limoges, 20 degrés à Clermont-Ferrand, 21 degrés pour Strasbourg, Bordeaux et Nantes, 22 à Lyon et Biarritz, 23 pour Toulouse, 25 degrés à Ajaccio, 27 pour Perpignan et 28 degrés à Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Dès 14h, intégrale UEFA Euro 2016. Avec à 15h, Turquie-Croatie, suivi à 18h de Pologne-Irlande du Nord. 20h, Formule 1, départ du Grand Prix du Canada. Et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi d'Allemagne-Ukraine. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC, il est 6h, toute l'actualité tout de suite avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, les scènes sont surréalistes, insupportables. Des centaines de hooligans face à face avec au milieu les forces de l'ordre. Bataille rangée au cœur de Marseille hier. En marge du match Angleterre-Russie, l'Euro de football sur le terrain également. On prendra des nouvelles des Bleus dans ce journal deux jours après leur succès face à la Roumanie. Et puis est-ce la fin du mouvement ou seulement un essoufflement? La plus grande raffinerie de France a voté la fin de la grève hier. Il est 6h sur RMC, bonjour à tous. Une heure et demie d'affrontement, le centre-ville de Marseille dévasté hier après-midi. Angleterre-Roumanie, match de l'Euro classé à haut risque. Et cela s'est vérifié de la plus triste des manières. 35 supporters blessés, un Anglais. Et ce matin, entre la vie et la mort, des combats effrayants, parfois Lionel Dian. Les plus violents affrontements entre supporters ont éclaté entre 16h et 18h sur le Vieux-Port. Sofiane était présent à ce moment-là. Il doit y avoir des milliers de bouteilles d'Heineken par terre. Je les voyais, ils les lançaient, les bouteilles elles étaient pleines encore. Ils les ouvraient, ils buvaient une gorgée, les lançaient. C'est des animaux. C'était des charges des Russes. Une fois que les Russes ont fini de charger, c'était les Anglais qui chargeaient. C'était chacun leur tour. Tout ça pendant une demi-heure à peu près. Et on voyait toujours pas de policiers intervenir. Je le voyais, c'était pour le fun, ils rigolaient. C'était très mal. Il y en avait qui avaient la tête ouverte. Mais ils continuaient, hein. La tête ouverte, ils continuaient à se battre. Les rues étaient jonchées de tessons de bouteilles, les poubelles renversées. La plupart des restaurateurs ont alors tiré leurs rideaux à l'image de Sébastien. On attendait plutôt le côté festif, surtout faire marcher la ville. Et là, bon, avec tous ces incidents-là, on est obligé de fermer tous les établissements. Et c'est vraiment dommage. Pour Marseille, c'est un gros manque à gagner. C'est vraiment qui gâche la fête. C'est vraiment le mot, gâche la fête. C'est vrai que même moi, là, je viens juste me prendre un gaz lacrymogène, alors que j'étais complètement étranger à tout ça. Ce matin, beaucoup se demandent à Marseille si de tels affrontements auraient pu être évités. Le reportage à Marseille de Lionel Dian. Alors, le hooliganisme, terme qu'on pensait d'une autre époque, mais non, loin de là même. Et l'Angleterre a une longue expérience dans le domaine. Écoutez l'écœurement de Gabriel Clark, il est journaliste pour la chaîne anglaise ITV. Pour tous les Anglais, je crois, tous les vrais supporters du foot, c'est pas bon. Ça reste une minorité qui suit l'équipe nationale, qui va pas au stade, qui veut pas regarder le foot, mais qui est là dans la vie, dans la city comme Marseille, pour un certain week-end de hooliganisme. C'est que ça. Ils sont là pour se battre. C'est tout. Et en tout, 6 personnes ont donc été interpellées hier. Une réunion d'urgence a été organisée tard hier soir au ministère de l'Intérieur. Même si la fête a été gâchée, il y avait malgré tout du football aussi sur le terrain hier et les Anglais ont déçu, se faisant accrocher un partout par la Russie. Dans le même groupe, le Pays de Galles, pour son premier match dans un euro, a gagné 2-1 face à la Slovaquie. Et puis plus au nord, à Lens, ce sont les deux prochains adversaires des Bleus qui s'affrontaient hier. La Suisse a gagné 1-0 contre l'Albanie. Match sans grand spectacle. Pas de quoi inquiéter l'équipe de France, Jean Rességuier. C'est effectivement l'enseignement de ce match. Des Suisses poussifs et surtout maladroits, un poteau, cinq grosses occasions où le gardien albanais a su faire oublier sa bévue qui a permis à la Nati de marquer le seul but de cette opposition. Des Albanais très combatifs qui n'ont jamais lâché prise malgré l'infériorité numérique, l'expulsion du capitaine Xana qui sera d'ailleurs absent face aux Bleus mercredi à Marseille avec en plus une possibilité pour l'Albanie d'égaliser en toute fin de match. Ce sont d'ailleurs les deux gardiens qui ont été les seuls à briller à Lens, mais la faiblesse de ces deux formations a de quoi rassurer l'équipe de France et les supporters, à condition d'être sérieux et appliqué sans se compliquer l'existence comme face à la Roumanie. La feuille de route pour les huitièmes de finale est déjà éditée. Et les Bleus sont donc retournés dans leur antre de Clairefontaine, dans leur mur, pour digérer leur victoire face à la Roumanie vendredi soir. La fête a été belle, notamment pour Olivier Giroud, attaquant décrié qui a pourtant marqué le premier but de cet Euro au Stade de France. Olivier Giroud qui n'est pas atteint par les critiques. Plusieurs personnes qui m'ont dit que j'avais tendance à être meilleur dans l'adversité. Donc j'ai pas envie de toujours avoir à me battre contre les médisants, je dirais. Enfin bon, et je reste sur une bonne série, j'ai envie de la continuer. C'est bien pour la confiance. Donc je me pose pas plus de questions que ça quant aux détracteurs. Voilà un attaquant qui doit continuer sur sa lancée. D'autres Bleus doivent se remettre en question. Antoine Griezmann, décevant vendredi. Patrice Evra, pas dans le coup. Et puis l'autre star, Paul Pogba, qui a toujours beaucoup de mal sous le maillot bleu. Forcément, Jean-Michel Larquet lui demande beaucoup plus. Il me semble que je vois aujourd'hui le Pogba que j'ai vu il y a 3 ans, qui n'a pas progressé, et sur lequel on se pose les mêmes questions. Toujours les mêmes questions. Il en fait trop. Il n'est pas assez dépouillé dans son jeu, dans les endroits où il faudrait qu'il joue plus simple. Il se complique la vie, il veut en faire trop, et souvent il fait le mauvais choix, et il ne progresse pas. Et le prochain rendez-vous avec les Bleus, c'est donc mercredi prochain. Face à l'Albanie, aujourd'hui, place à l'un des favoris de la compétition, l'Allemagne, qui affronte l'Ukraine. Avant cela, il y aura Turquie-Croatie et puis la Pologne face à l'Irlande. Il est 6h05 sur RMC. Le gouvernement misait sur un essoufflement tactique qui semble payer ce week-end. Le mouvement de contestation à la loi travaille avec la principale raffinerie du pays, qui a voté la reprise du travail hier. C'est à Gonfreville, en Seine-Maritime. Thierry Dufresne de la CGT sur place, ne veut pourtant pas parler de fin de conflit. Ces 25 jours de grève sont inédites chez Total. Il n'y a jamais eu un combat aussi long dans les raffineries en France. Donc voilà, les décisions se sont prises en dehors de l'actualité. Et aujourd'hui, voilà, les salariés ont besoin de voir, de se retrouver, discuter ensemble de quelle forme pourra prendre la suite de ce combat. Et puis aussi, on a besoin de faire marcher la solidarité parce que les pertes de salaire sont élevées et les salariés ont besoin de voir à quoi ils doivent s'attendre. Et le 14 juin, il y aura à nouveau des appels dans les raffineries, il y aura des arrêts d'expédition et dans la manifestation parisienne, il y aura beaucoup de raffineurs à l'intérieur. Épuisement ou non, la réponse ce sera donc mardi prochain, 9e manifestation unitaire prévue à Paris. Hier, le patron de la CGT, Philippe Martinez, promettait du monde, beaucoup de monde dans les rues. La politique ce week-end, c'est aussi Europe Écologie Les Verts en pleine reconstruction, congrès national hier où David Cormand a été élu secrétaire national du parti. Sordide histoire du côté de Libourne en Gironde, sordide histoire de famille sur fond de conflit conjugal. Pendant 5 ans, une mère de famille est restée cloîtrée chez elle avec ses enfants. Benoît Ballet, c'est l'ouverture d'une information judiciaire pour disparition inquiétante qui a permis de retrouver la famille. C'est dans un appartement de la Bastide Girondine que la famille passait le plus clair de son temps, coupé du monde. Les deux plus jeunes enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 13 ans, n'étaient pas scolarisés. Les sorties étaient réservées à la mère, quelques courses alimentaires loin des grands centres commerciaux, ainsi qu'à l'aîné, âgé de 23 ans. La mère a été mise en examen pour privation de soins ou d'aliments et abandon moral de mineur. Sa fille aînée est soupçonnée de complicité. Les deux jeunes enfants sont toujours hospitalisés, pas de maltraitance, mais des symptômes de malnutrition. Selon des premières déclarations, ce sont des violences conjugales qui auraient conduit la mère à vivre recluse avec ses enfants. Des accusations qui feront l'objet de l'enquête ouverte par la gendarmerie. Les précisions de Benoît Ballet, il est 6h07 sur RMC. Il y a bien sûr du foot ce week-end, mais il y a aussi du rugby. Barrage de top 14 pour une place en demi-finale aujourd'hui. Elle se joue entre Montpellier et Castres. Hier, c'est le Racing qui est passé en battant Toulouse 21-16. Dimitri Zarzewski est plutôt heureux. On savait que ça allait être intense, que le défi physique allait être présent. Mais c'est un match de phase finale. Il y a eu énormément d'intensité. On a été encore une fois solidaires. Même si tout n'a pas été parfait ce soir, malgré tout, on n'a pas lâché, on a cru en nous, on a continué de travailler. Donc c'est bien, mais maintenant, on ne va pas s'emballer. C'est juste une victoire qui nous permet de continuer et de poursuivre notre rêve, notre objectif. Et puis un mot de Formule 1, Grand Prix du Canada ce dimanche. Course à suivre à 20h sur RMC avec le Britannique Lewis Hamilton en pole position. Il est 6h08 sur RMC. On termine bien sûr avec les courses, François Sorel. Et avec un tiercé quarté quinté plus cet après-midi à Auteuil, Sébastien Darras nous conseille l'As Tsar de Noël, mais aussi le 6 Boulette Tous. Brahim Asloum lui reste fidèle au 2 Rock the Race. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 12 Greenamix et le 3 Cross in Hand. Nous avons donc l'As, le 6, le 2, le 3 et le 12. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Eh bien bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes bien le 12 juin 2016 et en ce dimanche matin je suis ravi de vous retrouver, très heureux de vous accompagner pendant 4 heures pour le week-end des experts du dimanche. Tout à l'heure Jean-Luc Moreau, l'automobile et un spécial assurance. Et croyez-moi, il y a pas mal de sujets à évoquer hein, concernant l'assurance automobile. Ce sera tout à l'heure avec Jean-Luc et nos invités et vos questions au 32-16 à partir de 8h. Mais pour débuter en ce dimanche matin, elle est à mes côtés. C'est notre vétérinaire Laetitia Barlerin, bien entendu. Bonjour Laetitia. Bonjour François, bonjour à tous. Alors vous allez bien ça? Oui, je vais bien. Bon Laetitia, ça y est, l'euro, c'est parti. Ah oui, mais ça c'est à moins d'être dans une caverne, oui, au fin fond des bois. Ça va être compliqué de passer à côté. C'est sûr. Bah du coup, on va aussi en parler. On va en parler tout. Alors, à l'heure entre 7 et 8. J'ai cherché des chiens joueurs de football à interviewer. Oui, ça a été difficile. C'est compliqué. Donc je me suis dit, je vais peut-être prendre un autre angle de l'euro. Voilà, je vais parler des pays de l'euro et des animaux, qu'ils ont d'accepter les animaux et de les traiter. Voilà, la législation qui est particulière dans ces pays de l'euro. Et puis aussi, faire un focus sur une race ou un animal propre à ce pays. Alors, comme ce soir, c'est l'Allemagne qui joue contre l'Ukraine. Eh ben, on va faire un petit focus sur l'Allemagne. Allez. D'abord avec Xavier Baquet, notre avocat préféré, qui nous parlera de la législation concernant le droit animalier en Allemagne, Autriche. Voilà, on verra s'il y a de grosses différences avec les pays. Voilà, parce qu'on dit souvent que l'herbe est plus verte chez le voisin. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'ils sont vraiment en avance sur la protection animale par rapport à la France? On fera des comparaisons. Oui. On parlera du berger allemand. Oui. Et puis alors, une question. Est-ce que le berger allemand est allemand? Bonne question. Ça, c'est une bonne question. On parlera aussi d'un permis pour chien, pour avoir un chien. Et ça, c'est nouveau. C'est à Berlin. Ça se passe toujours en Allemagne. Un permis pour chien. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que si vous voulez un chien, vous devez passer le permis. Ah oui. Donc, on en parlera justement avec une comportementaliste. On verra ce que ça apporte en effet. Voilà son avis. Et puis, on aura avec nous, alors non pas la star des réseaux sociaux, mais en tout cas le maître de la star des réseaux sociaux français. Voilà. En matière d'animaux. Et oui, c'est l'animal le plus connu, l'animal français, pardon, le plus connu dans le monde, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est un beagle, il s'appelle MJ. Voilà. MJ le beagle, et ben voilà, il est vraiment, il a, je ne sais, des milliers de followers. Il a 92 000 followers sur Instagram. Ah oui, c'est déjà pas mal. Mais il faut dire qu'il est très mignon, ce beagle. Il en a plus qu'à moi. On en parlera tout à l'heure, donc. Et puis, bien sûr, vos questions animaux. D'ici là, le 3216, animaux@rmc.fr. Vous savez que RMC, la seule radio, vous propose ce rendez-vous unique. 2 heures dédiées aux animaux tous les dimanches, 6h, 8h. Le quiz de la vie privée des animaux, on va pas l'oublier aussi, hein, Laetitia. Hein, ce sera dans un instant. Mais pour débuter, donc, on accueille Yves, qui est avec nous au 3216. Bonjour Yves. Bonjour Monsieur Sorel. Bonjour Monsieur Yves. Bonjour. Et bonjour Madame la vétérinaire. Laetitia, pour les intimes. Je suis très heureux de pouvoir vous contacter, premièrement, et je vous en remercie beaucoup. Ah, ensuite, je suis votre émission depuis les années 95. Vous voyez. Oh là, ça date. Hein. Je suis très attaché à votre émission. Voilà. À l'époque, en 95, Laetitia Barlerin était panée. Voilà. Pas comme le poisson, ah bon. On peut le dire. Elle était panée. Ah bon. Qu'est-ce qui vous arrive alors, Yves? Expliquez-nous. J'ai un souci avec ma chienne qui s'appelle Diva. Oui. Une épagnole. une femelle. Et j'ai récupéré cette chienne dans une association. Oui. Donc, mon souci, c'est que je me suis aperçu qu'elle toussait beaucoup. Oui. Et jusqu'à un point de vomissement, mais elle ne vomit pas. Oui, c'est comme si elle avait elle crachait quelque chose, c'est ça? Voilà, elle tousse et puis à la chose. Fin, elle crache, d'accord. Et voilà. Vous avez vu un vétérinaire pour cette toux? Oui, mon vétérinaire habituel qui m'a conseillé un traitement, mais je suis un peu perdu dans le traitement parce que depuis le temps que ça dure, ça fait trois ans que j'ai cette bête là, et je donne des petits quarts de cachet au CV marron, la dermipred. Oui, c'est de la cortisone. Il m'a suggéré aussi du sevoflurane. D'accord, ça. Oula. C'est pour fluidifier les sécrétions. Alors juste Yves, d'après votre vétérinaire, c'est dû à quoi cette toux? Parce que vous savez que la toux est déclenchée soit oui. par l'air qu'on inspire et qui irrite la muqueuse respiratoire, soit oui. par un problème au niveau de la muqueuse respiratoire, que ce soit au niveau de la trachée, du larynx, des bronches. Est-ce qu'il a trouvé... Alors, dans ses vérifications, il ne trouve rien d'anormal. Non. Vous fumez pas? Il me dit pas. Que c'est la toux de chenil. Alors, il me parle de la toux de chenil. Alors la toux de chenil, c'est une toux infectieuse, mais bon, ça ne dure pas pendant un an, la toux de chenil, vous voyez. Oui. Alors par contre, il peut y avoir des séquelles d'une toux de chenil qu'elle a eue peut-être lors de son passage au refuge. Elle a resté 5 ans dans une cage. Hein. Ah oui, voilà, donc il y a peut-être une toux chronique maintenant, ce qu'on appelle une bronchite oui. chronique. Mmh. Faites attention quand même, Yves, et ça c'est ce que je ferai moi pour votre petite chienne, oui. qui a quel âge, vous me dites, 8 ans, c'est ça? Maintenant, elle a 8 ans, oui. Est-ce qu'elle est de poids normal? Oui, le poids correspond. Enfin, elle était très maigre, mais j'ai alimenté. Donc bon, maintenant, elle est pas trop grosse. Elle fait entre 14 kilos, 15 kilos. Quoi. Bon, alors, cette toux se calme pas. Donc, il va falloir passer à la vitesse supérieure, comme on dit. Hein. C'est-à-dire oui. que si une toux est chronique comme ça, alors soit il y a une inflammation chronique au niveau des bronches, mais ça encore, il faudrait voir. Mais il faut faire attention au cœur. Parce que vous savez oui. que la toux est un symptôme précoce d'une maladie cardiaque chez le chien. Ah oui, d'accord. Ah. Alors que exemple, chez le chat, c'est jamais un symptôme la toux, quand le chat est cardiaque. D'accord. C'est jamais un symptôme. Mmh. Alors que chez les chiens, le premier signe... Il y a une alarme. C'est souvent la toux du matin d'ailleurs, mais il y a une alarme, c'est ça. Après, il y a la fatigue, etc. Donc, faites très attention parce que comme chez l'homme, une bronchite chronique peut fatiguer le cœur. D'accord. Hein, c'est-à-dire que d'accord. la toux à la base n'était pas du tout cardiaque, mais elle peut oui. devenir cardiaque parce que le chien n'arrête pas de tousser, qu'il a une ça toux chronique. Fatigue. Donc ça alors, veut dire c'est quoi moment. C'est par moment. Et bien justement. C'est par moment. Alors, elle se lève, va tousser, après de 3-4 heures, elle ne tousse pas, puis d'un coup, elle a pas une petite crise. Quoi, voilà. Alors justement, Yves, là, ce qu'il faudrait, et là, il ne faut pas attendre, hein, bon, elle a un traitement, mais on ne va pas lui donner son traitement indéfiniment, il faut vraiment savoir ce qui peut déclencher cette toux, hein, c'est toujours un signal, hein, la toux, ce n'est pas normal, sauf si vous fumez à côté d'elle, bien sûr, sauf si vous faites... Faut faire attention au tabagisme passif. Ah, mais, alors là, faites très attention, vous savez, nous, on fait des autopsies de chiens, où on voit des poumons noirs. Et oui. Et ça, c'est le tabac et la pollution. C'est terrible. Ça, c'est terrible. Hein. Donc, alors, la pollution, on ne peut pas faire grand-chose, mais le tabac, on peut. Voilà, mais le tabac, on peut. Ça, c'est bien sûr, c'est la règle. Vous savez, c'est comme un bébé. Vous fumez à côté d'un chien, c'est comme un bébé. Il prend encore plus que vous. Donc, vraiment, il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter aussi tout ce qui est... vous savez, quand vous refaites les peintures, etc., ça peut faire tousser les chats et les chiens. Ça, c'est normal. Et concernant votre chien, Yves, moi, je reviendrai voir le vétérinaire pour faire un bilan cardiaque et pulmonaire, parce que c'est pas normal qu'elle tousse encore comme ça. Et puis, comme je vous dis, même si c'est une toux chronique due à une toux de chenil qu'elle a eue lors de ses années en refuge, cette toux chronique peut avoir une répercussion sur le cœur, surtout qu'elle a 8 ans, elle n'est pas jeune. Donc, on fait une radio, on fait voir une échographie du cœur pour voir si le cœur n'est pas touché, d'accord. si les poumons ne sont pas touchés, et après, on adapte le traitement. Faites attention aussi, il y a des toux qui sont parasitaires. Il y a des parasites. Alors ça, c'est surtout dans le sud de la France ou dans les dom-toms, des parasites qui vont dans le cœur et qui remontent sur les bronches et qui donnent une toux chronique aussi. Tiens, donc ça, c'est grave, ça. Et ça peut être, oui, ça peut amener à la mort hein, quand même du chien. Donc faites très attention aussi. Donc voilà, radio, on fait une échographie du cœur, voire même une endoscopie. On fait des endoscopies maintenant chez le chien avec, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de la trachée et du carrefour entre la trachée et les bronches. Et on fait des prélèvements pour savoir exactement ce que c'est. En tout cas, il ne faut pas continuer. Il ne faut pas traîner comme ça. Il ne faut pas traîner, bien sûr. On revient dans un instant, Laetitia. On va retrouver notre quiz de la vie privée des animaux et Paul sera avec nous. Il va nous parler de son chat. Le 3216 au animaux@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler. Et puis, comme d'habitude, je vous le dis, je vous le répète, si vous nous joignez par mail, laissez-nous votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. RMC, le week-end des experts. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Et nous voilà de retour, le week-end des experts. Les animaux avec Laetitia Barlerin, le 3216 pour joindre notre vétérinaire ou bien animaux@rmc.fr. Dans quelques instants, la météo, les infos. On va accueillir Paul dans un instant aussi qui va nous parler de son chat qui est trop gros, Laetitia. Bon, un chat trop gros, ça arrive assez souvent, hein. Ouais, c'est ça le souci. C'est ça, il y en a beaucoup, beaucoup, oui. Mais auparavant, notre quiz de la vie privée des animaux de ce dimanche. Et vous savez que nous faisons un petit focus sur l'Allemagne. On va parler du berger allemand tout à l'heure. D'accord. Et faut savoir que les premières traces vraiment attestées du berger allemand remontent au 7e siècle. Hein. C'est une race qui est assez vieille quand même, assez ancienne. Mmh. Et à l'époque, on faisait en sorte, enfin on sélectionnait et on préférait surtout des bergers allemands blancs. Ou à moitié blanc, en tout cas les plus blancs possibles. Vous vous rendez compte? Alors qu'aujourd'hui, si un berger allemand naît avec une tache blanche, il ne peut pas avoir son pédigré. C'est dingue ça. Voilà. Et à l'époque, la tendance est inversée. Maintenant la tendance est inversée. Mais on cherchait vraiment les bergers les plus blancs possibles. Pourquoi? Et là, on est en quelle période, vous avez dit? Septième siècle, et après, ça a été jusqu'au 16e siècle, on essayait d'avoir les plus blancs possibles. Alors, pourquoi les bergers allemands les plus blancs possibles au 7e siècle? C'était préféré. Ouais. Alors, j'ai trois propositions, Laetitia. Ne me laissez pas comme ça, sans rien, parce que là, je suis perdu. Alors, pour qu'on ne les voit pas dans la neige, parce que blanc. Bah oui. Ça devait arranger beaucoup de monde. Les bergers caméléons. Pour qu'on ne les confonde pas avec des loups. Pour qu'on ne les confonde pas avec des loups, d'accord. Ou parce que la blancheur, rare chez les chiens à cette époque, était signe de richesse. D'accord. Et oui, les chiens blancs, ça faisait... C'était smart. C'était smart. Voilà. Oh, vous avez... J'ai un chien blanc. Bon, tout ça n'avance pas notre histoire, Laetitia. Je n'en ai aucune idée. C'est bien pour ça que je vous demande. Et voilà, Laetitia qui cherche des heures et des heures, des quiz comme ça, très compliqués. Bon, vous savez quoi? On va réfléchir, tous ensemble. Hein, animaux@rmc.fr si vous voulez m'aider. Et on se retrouve avec la réponse après la météo des infos. Ça vous va, Laetitia? Ça me va. Bon, et d'ici là, on accueille Paul qui est avec nous. Bonjour, Paul. Bonjour François, salut Laetitia. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Alors, vous avez un gros chat, un gros minou, c'est ça? Ouais, voilà, en fait, bon, mes parents, ils n'ont pas voulu appeler mon père, voilà, et pourtant, ils vous aiment bien, ils vous écoutent tous les semaines. Ouais. Et alors, je vous appelle parce que, bon, le chat, là, c'est un peu devenu la poubelle de table à la maison, hein, franchement, c'est un peu de le dire. C'est-à-dire, il mange tout ce qui passe, c'est ça? Bah oui, et puis bon, du coup, il va à table, voilà, il vient sur nous à chaque fois pour manger, alors bah donc, du coup, à chaque fois... Voilà, on lui donne quoi, mais bon, du coup, je vous ai appelé parce que comment faire? Il est gros? Est-ce qu'il est gros, Paul? Ah ouais, il fait un peu plus de 3 kilos quand même. 3 kilos? Bah ça va. Ouais. Trois seuls mots. Ouais, mais bon, il est bien rond quand même. Il est bien rond. Il a pris bien du poids. Et puis bon. On voit la peau qui pend là, entre les jambes là. Ouais, un peu quand même. Et puis en plus de ça. Bah, c'est pas bon, quoi. Enfin, ah bah oui. c'est pas bon. Bah non, ça c'est sûr. Bon. Mais, non, mais 3 kilos, c'est pas énorme. C'est ça qui m'étonne. Ouais. 3 kilos, c'est pas. Ils mangent à côté quand même les croquettes, les sachets, les boîtes. Enfin, je sais pas ce qu'ils leur donnent. Du coup, moins, parce qu'il est devenu un peu difficile. Hein. Ah, bah oui, oui. Alors, là, il y a un problème. Bon, il peut y avoir un problème de poids, donc d'obésité, si on mange, bah, à chaque, il mange à côté. Et puis surtout, là, c'est plutôt un problème de déséquilibre de l'alimentation. Parce que, un chat qui mange dans l'assiette, il choisit ce qu'il mange. Voilà. Donc, il mange ce qu'il a envie. Donc le beurre, la viande bien avec l'huile, le machin, enfin bon, les trucs. Voilà, le chat est attiré par quoi? D'abord, instinctivement, un chat est attiré par tout ce qui est protéines animales, viande et gras. Pourquoi les croquettes et les sachets de chat sont si gras? Mais parce que ça attire le chat et c'est pour ça qu'il le mange. Hein. Instinctivement, c'est un carnivore. Le carnivore mange beaucoup de protéines animales et de gras. Et oui, pour tout ça, pour combattre après les mauvais jours, hein, j'imagine, bah non, oui, c'est ça? Oui, bah oui. Pour ça, une petite pellicule de graisse. Le problème de nos chats français, c'est qu'ils sont stérilisés. Or, quand on stérilise un chat, on a des besoins énergétiques qui diminuent. De 20%, 20% c'est beaucoup, hein. Vous imaginez de manger 20% de moins par jour parce qu'on vous a stérilisé. Bon, voilà. Arrêtez de me regarder donc, comme ça, voilà, la tia-tia. Le problème, c'est, alors, en plus, là, c'est un chat quémandeur. Alors, souvent, c'est les chiens qui sont quémandeurs à table, hein. Les chats, beaucoup moins. Bon, là, il a été habitué à ça. C'est un rituel, ça en plus. Ça va être rigolo, un chat quémandeur, non? Oh bah oui, j'imagine qu'il est genre à 20 cm de l'assiette sur la table et qu'il vous regarde. Et qu'il attend. Et qui de temps en temps, il met une patte dans l'assiette. Voilà, pour prendre un truc. Je prends un truc, j'imagine la scène. Alors, bien entendu, avec vos parents, ça doit être un rituel qui leur plaît parce qu'on met beaucoup d'affectif dans les repas des chats. C'est-à-dire que on se dit, si je lui donne à manger, il l'accepte, ça veut dire qu'il m'aime ou c'est comme si je lui donnais mon amour. Enfin bon, on espère. Enfin voilà. Et puis bon, c'est un spectacle, on voit le chat manger, etc. Voilà. On est tous devant lui, en train de regarder, etc. Alors que vous savez que pour le chat, le repas n'a aucune valeur, ni affective, ni sociale. Alors, Ah oui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il c'est va... pas une récompense pour lui le repas. Pas du tout. Alors que le chien, oui. Alors que le chien, c'est à une valeur sociale le repas. D'accord. Affective non, mais sociale. Ce qui veut dire que c'est pas parce que votre chat va manger dans son coin ses petites croquettes qu'il va moins vous aimer par rapport à un chat qui vient manger dans votre assiette. D'accord. Ça a aucune influence sur lui, sur l'affection qu'il peut avoir. Oui, on va pas acheter son affection en lui donnant à manger. Hein. C'est nous qui faisons, imaginons beaucoup de choses là-dessus. Donc il va falloir dire, Paul, d'abord à vos parents, que c'est pas parce qu'ils mangent dans leur assiette qui vous les aimera plus, ou c'est pas parce qu'on va lui interdire de manger dans l'assiette qu'il les aimera moins. Ça a rien à voir. C'est des rituels qui se sont mis en place et le chat est un opportuniste. C'est-à-dire qu'il mange là où il y a à manger. Et si en plus il aime, eh bien c'est très bien. Ce qui veut dire il mange même quand il n'a pas faim, le chat? Non, alors non. Parce que, alors ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des chats boulimiques qui ne voient pas le signal d'arrêt de pour leur dire bah, arrête, là c'est bon, t'as l'estomac plein, on peut pas plus. Et il y a des chats qui mangent jusqu'à se faire vomir. D'accord. Alors les chats boulimiques sont souvent des chats anxieux ou stressé, donc là c'est là où il faut une consultation comportementale quand même. Et d'ailleurs la plupart des chats des chats obèses, non seulement sont obèses parce qu'on leur donne trop à manger, mais c'est surtout parce qu'ils s'ennuient ou parce qu'ils sont stressés aussi. D'accord. Ça faut le savoir. Ah oui. Donc concernant Paul, votre chat, ce qu'il faudrait, c'est d'abord ne pas lui donner à manger ce qu'il y a dans l'assiette, parce que voilà, même si c'est pour nous équilibré, c'est pas équilibré pour le chat, parce qu'il va manger que du gras ou des protéines, il va être très vite carencé, il va avoir des problèmes de peau, il peut aussi avoir des problèmes de calcul urinaire. Voilà, donc il faut faire très très attention à son régime, voilà, qui n'est plus un régime. Savoir que les aliments pour chat, croquettes, boîtes, sachets, c'est des aliments équilibrés qui ont été calculés, tout a été calculé pour les besoins de votre chat, et que si vos parents veulent lui donner un repas qui lui donne, je sais pas moi, un petit peu de sachet matin et soir dans la gamelle en disant « Oh, tu vois mon chat, je te donne à manger ». Et là, le chat fera des yeux d'amour à vos parents, bon, mais qui mangent à table sans le chat. D'accord. Ça serait bien, vraiment. Et qu'il ait toujours à disposition pendant la journée un bol de croquettes, voilà, parce qu'on sait que le chat est un grignoteur. Parfait. Bon, bah écoutez, Laetitia, on va revenir dans un instant. Nous aurons Anna qui va nous appeler au 3216. Et puis, si tout comme Anna ou Paul qu'on a eu à l'instant, vous voulez les joindre, notre vétérinaire Laetitia Barlerin, n'oubliez pas le 3216 ou animaux@rmc.fr. Nous sommes là jusqu'à 8h. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. L'UEFA Euro 2016, c'est sur RMC que ça se passe. Aujourd'hui à 15h, Turquie-Croatie, 18h, Pologne-Irlande du Nord et à 21h, Allemagne-Ukraine. RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Toute la passion du foot avec Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto-neuves et d'origine sur Internet. Passionné par l'automobile et la moto, découvrez la 8e édition de l'Autodrome Héritage Festival. Rendez-vous aujourd'hui aux portes de Paris sur le circuit mythique de l'Autodrome de Linas-Montlhéry pour vivre une journée exceptionnelle. De nombreuses animations pour petits et grands vous attendent. Balades en bus historique, initiation à la conduite de véhicules anciens, dédicaces de pilotes et plein d'autres surprises. Venez profiter de cette journée en famille et assister au concours d'État parrainé par la Ligue. Plus d'informations sur parisautoevent.com. 15€ sur place et gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Clio en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno, son système multimédia Airlink avec écran tactile et sa caméra de recul. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990€ sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d'une série limitée Clio Trend 9 jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation. Voir Renault.fr. Allez, un coup d'œil sur la météo de votre dimanche maintenant sur RMC, c'est avec Valentin Mailleux. Bonjour François, bonjour à tous. Encore aujourd'hui de la grisaille et de la pluie, excepté quand même sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et les Alpes où le temps sera ensoleillé. Le vent souffle quand même jusqu'à 80 km. En revanche, sur tout le nord-ouest du pays, ça reste perturbé avec de la pluie, à l'est des averses aussi. Et puis au fil de la journée, ce temps maussade va continuer sur une bonne partie nord avec des averses et parfois même des coups de tonnerre. Les températures en baisse, 18 degrés à Brest, 19 pour Paris et Lille, 21 degrés pour Strasbourg, Bordeaux et Nantes, 22 à Lyon, 23 degrés pour Toulouse, 25 à Ajaccio et 28 degrés à Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. RMC 6h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. 35 blessés, 4 le sont sérieusement. Et ce matin, un Anglais d'une cinquantaine d'années est entre la vie et la mort. Scène de violence barbare dans les rues de Marseille hier. Des centaines de supporters anglais et russes face à face. Le centre-ville de Marseille est dévasté. Le ministère de l'Intérieur tenait une réunion d'urgence hier soir. 3 policiers ont été légèrement blessés. Tout ça en marge d'un simple match de football. Anglais et russes ont fait match nul un partout hier soir. Les autres résultats de ce samedi, la victoire de la Suisse 1-0 contre l'Albanie, du Pays de Galles 2-1 face à la Slovaquie. Aujourd'hui, nouveau match classé à haut risque, c'est au Parc des Princes à Paris. Turquie-Croatie à 15h, 18h Pologne-Irlande et puis ce soir le champion du monde entre en lice. L'Allemagne affronte la Pologne. Le reste de l'actualité avec l'épuisement vraisemblablement du mouvement de contestation la loi travail. La plus grande raffinerie de France à Gonfreville a voté la fin de la grève hier. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, pronostiquait malgré tout une manifestation monstre mardi prochain. C'est ce qu'il disait hier, 9e rassemblement unitaire contre la loi El Khomri. À l'étranger, l'État islamique sur le reculoir en Libye où le bastion de Daesh, la ville de Sirte, est sur le point de tomber. Avancée saluée par la France hier. Et puis, des meubles fabriqués il y a quelques années seulement, présentés comme des œuvres du 18e siècle dans les murs du château de Versailles. Escroquerie de marchands d'art révélée hier avec l'interpellation cette semaine de 3 professionnels. Le château aurait acheté pour 2,5 millions d'euros de faux meubles. 6h31 sur RMC. Vous êtes avec Laetitia Berlerin et François Sorel, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Berlerin. Nous voilà de retour, le week-end des experts, les animaux, jusqu'à 8h avec notre vétérinaire Laetitia Berlerin. Le 32-16 pour joindre Laetitia, bien sûr, ou animaux@rmc.fr. tout à l'heure, à l'occasion de l'Euro 2016, nous allons nous intéresser aux us et coutumes des Allemands et des Autrichiens en matière d'animaux, Laetitia. Et oui, on va commencer par les Allemands parce que ce soir, bien sûr, il y a le match. Et oui, Allemagne-Ukraine. Et les Autrichiens, je crois que c'est mardi soir qu'ils entrent En lice, oui. Dire, hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien de faire un focus, savoir un petit peu si l'herbe est plus verte chez eux ou pas concernant le droit des animaux. Et puis, on parlera du berger allemand. Et forcément, attendez, puisqu'on fait un focus sur l'Allemagne. C'est quand même le chien préféré des Français, parce que si on regarde le nombre de naissances de chiens de race, et ça fait des années et des années. Oui, c'est très stable. Le berger allemand qui est vraiment à la première place du podium, avec plus de 10 000 naissances de chiots berger allemand par an en France. Et on parlera de MG. MG, c'est un beagle, et c'est pas n'importe quel beagle. C'est un peu le beagle star des réseaux sociaux en France. Voilà. Oui. Mais il est connu partout dans le monde maintenant. Bien sûr, il cartonne notamment sur Instagram. On aura son maître tout à l'heure, Laetitia, qui sera là. Et bien sûr, d'ici là, vos questions animaux, n'hésitez pas, 3216 ou animaux@rmc.fr. Et dans un instant, on retrouvera notre quiz de la vie privée des animaux. Mais dans les médias, c'est Anna qui est là. Bonjour Anna. Bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour Anna. Bienvenue Anna. Merci. Donc, j'ai un chat d'intérieur et qui est stérilisé, qui va avoir 9 ans. Donc, chaque jour, je lui donne des croquettes que j'achète en supermarché. Donc, j'espère que Laetitia va pas me tirer les oreilles. Non, mais il peut y avoir des très bonnes croquettes en supermarché. Il faut prendre toujours des croquettes premium, même en hyper. Hein. C'est ça, Laetitia. Voilà. Je vous ai déjà. Oui. Et donc, c'est votre question? Alors justement, certaines marques en fait proposent des gammes spécifiques, donc qui répondraient après soi-disant à des besoins ciblés, des croquettes pour faciliter la digestion ou pour faciliter l'appétence aussi. Ouais. Donc j'ai une question vraiment toute simple, c'est de savoir si ces marques en fait présentent un réel intérêt pour la santé de nos animaux. Un argument. Marketing. Donc. Alors. Il peut y avoir des faux arguments marketing dans les croquettes, c'est vrai. C'est vrai. Par exemple, quand il y a marqué, en gros, croquette au bœuf, on se dit, super, moi je veux que du bœuf, ou au poulet par exemple, je veux que du bœuf pour mon chat, donc je vais prendre ces croquettes, c'est marqué au bœuf, et puis le bœuf c'est mieux. Et puis en fin de compte, il y a du bœuf, il y a du poulet, il y a du mouton, il y a de tout ce que vous voulez dans les croquettes, et il n'y a pas que du bœuf. Parce que... Il y a peut-être un petit peu plus de bœuf que les autres croquettes, même pas. Il y a minimum 5% de bœuf. Quand il y a écrit au bœuf... Ah ben oui, c'est la loi. Ouais, mais bon, là c'est vrai que c'est un peu... Voilà. Par exemple, si, vous savez, alors ça, on en fait moins, mais on en fait encore. Il y a des croquettes où elles sont de couleurs différentes dans le mélange. Oui. Alors, il y a vert, rouge, jaune. Souvent, c'est vert, rouge, jaune. Alors, on dit rouge, c'est la viande, vert, c'est les légumes, et jaune, c'est les céréales. Non. Ben, en fait, c'est les mêmes. Juste, c'est les mêmes. La Sauf forme est différente, coloré. Donc dans la machine c'est passé, c'est un poisson. Mais elles ont la même composition. Mais voilà, c'est juste le colorant qui change, D'accord. Donc voilà, c'est juste, ça c'est du marketing. Et puis pour le chat, avoir une croquette verte ou une croquette rouge, pour lui il n'y a pas de différence, c'est juste l'odeur. Qu'est-ce qui stimule l'appétit du chat? C'est l'odeur d'abord. Après vient le fait de goûter la croquette. Mais c'est l'odeur qui stimule l'appétit. Le chien... Des fois, c'est pas l'odeur, il prend. Lui, c'est rien, lui, c'est tout, en fait. Bon, les moins, voilà, ça dépend des chiens. Des chiens qui sont plus délicats, qui sentent avant de prendre. Mais le chat, c'est vraiment l'odeur. Alors, concernant, après, ces marques qui vous disent spéciale digestion, spécial estomac fragile. Ça, oui, j'y crois. Parce que, alors, ce sont des marques qui... alors, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, pour la digestion... Ils font en sorte que ils ont une méthode de cuisson qui fait que d'abord ils choisissent des ingrédients qui sont mieux digérés avec des bonnes protéines qui sont mieux digérées au niveau intestinal et ils font une sorte de cuisson pour que ça soit ce qu'on appelle hyper digestible, c'est-à-dire que c'est simple, vous voyez ce qui ressort, c'est-à-dire que si vous avez un animal qui, en mangeant ses croquettes, a des selles bien moulées, ça veut dire qu'il a profité au maximum des selles. Si les selles sont plutôt pas moulées et molles, ça veut dire qu'il a moins profité de ce qu'il a mangé, voyez. Donc oui. Alors faut savoir que maintenant, on sait que les besoins nutritionnels d'un chat sont différents, selon son âge. On sait que ben un jeune mange pas comme un chat âgé ou un chat adulte. Il a besoin d'autres. Selon stade physiologique, par exemple une chatte gestante ou qui allaite, elle a des besoins différents selon son activité. Vous avez un chat d'intérieur, il n'a pas les mêmes besoins qu'un chat d'extérieur. Un chat stérilisé a des besoins moindres qu'un chat qui n'est pas stérilisé, selon la maladie, etc. Donc c'est vrai que on a toute une gamme de croquettes maintenant. C'est vrai que maintenant on va en animalerie. On a mais des croquettes à vraiment des sacs différents, on ne sait plus quoi choisir parce que c'est vraiment ça correspond à des besoins différents et ça c'est vrai, on a même des croquettes en fonction de la race de chat parce que un persan ne mange pas comme un chartreux par exemple un persan il a la gueule écrasée, du coup il a du mal à attraper les croquettes, donc on lui a fait des croquettes pour sa gueule en fait, pour sa gueule, pour qu'il arrive bien à prendre les croquettes. Non, mais c'est vrai. Et le persan a des poils qui sont très longs, très fins, donc il a des besoins pour son pelage qui sont différents qu'un chat qui a des petits poils courts. Et c'est la même chose pour la nourriture humide. Il y a aussi beaucoup de différences. Il y a moins de catégories pour la nourriture humide. Ça s'est vraiment fait sur les croquettes. Alors maintenant ça commence en nourriture humide comme vous dites, surtout en sachet, parce que chez le chat c'est le grand vainqueur, c'est le sachet aujourd'hui, et les gens parce que achètent la conserve, ça fait pas très classieux quoi. Mais c'est vrai que puis les sachets, c'est il y a beaucoup d'eau dedans, donc le chat aime bien, il y a beaucoup de saveurs. Ils doivent rajouter des trucs qui doivent les rendre fous, non? Oui, alors vous savez que chaque fabricant, chaque pet fooder, comme on les appelle, a sa petite recette qui est mise dans un coffre au fond de la mer avec la clé et un code. Mais c'est vrai, c'est un peu comme la recette du Coca-Cola, mais personne ne donne vraiment sa vraie recette. Mais parce qu'ils ont des chats testeurs. Ils ont des chatteries et ils testent les chats. Alors, ils ont même des chatteries avec des races différentes pour tester, parce que certaines races sont plus difficiles que d'autres. On ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai que le chat, c'est très difficile à nourrir dans le sens où il est très difficile. Mais on sait que dès qu'on rajoute du gras et en des général, protéines ça passe. Animales, ça passe. Ça passe. D'accord. Donc voilà, et plus on rajoute des céréales, moins ça passe. Donc voilà. Mais malgré tout, il en faut. Voilà, mais il en faut. Alors moi, ce que je vous conseillerais pour savoir si les croquettes vont bien à votre chat, d'abord, c'est vrai, prenez du premium, regardez les ingrédients. S'il y a marqué viande et sous-produits animaux et puis diverses céréales, c'est du moyenne gamme ou du bas de gamme. S'il y a marqué poulet, telle céréale, enfin si c'est vraiment la description, si les produits sont nommés et précise, on si est pas des produits généraux. Dans du haut de gamme, d'accord. Ensuite, on peut trouver du haut de gamme dans les hyper. Il peut y en avoir, d'accord. Oui, bien sûr. Sinon, vous allez en jardinerie, animalerie, chez le vétérinaire, voilà. Et puis quelque chose qui est vraiment très bien, c'est vous regardez votre chat. Après un mois de consommation des croquettes, si vous avez l'impression qu'il a un super poil brillant, beau et tout, si les selles sont bien moulées, excusez-moi de revenir là-dessus, mais c'est normal, s'il ne vomit pas, s'il est en pleine forme, s'il n'a pas trop grossi, eh ben ça veut dire que ce sont des croquettes qui lui conviennent. Et là, on touche plus. Oui, vous pouvez varier les passer du bœuf au poulet ou du poulet à l'agneau, mais quelque part ces croquettes-là lui vont bien. Parfait. Laetitia, dans quelques minutes on va retrouver Diane qui va nous parler d'un oiseau qu'elle a vu sur le rebord de son balcon, elle aimerait bien. Ah mais que j'ai vous reçu une photo. Eh bien voilà, elle vous envoie une photo en plus, comme ça vous allez pouvoir l'identifier. Mais auparavant, notre quiz de la vie privée des animaux, les amis. Eh oui, forcément. Et oui, alors je vous parlais du berger allemand et des origines du berger allemand. Oui. Alors semblerait que les ancêtres du berger allemand datent du 7e siècle. Et au fil des siècles, on a eu cette tendance à vouloir blanchir le berger allemand. C'est-à-dire avoir le chien le plus blanc que blanc, quoi. Alors qu'aujourd'hui, un berger allemand qui naît blanc, il n'a pas son pédigré. C'est pas un berger allemand. Un berger allemand ne doit pas avoir de blanc. Alors pourquoi, justement, nos ancêtres voulaient des bergers allemands blanche, avec trois propositions. Pour qu'on ne les voit pas dans la neige, pour qu'on ne les confonde pas avec des loups, ou parce que la blancheur, rare chez les chiens à l'époque, était signe de richesse. C'est pas facile, les amis. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, Laetitia. Signe de richesse, j'y crois pas. J'y crois pas, parce que c'est pas parce qu'on vous avez un animal blanc qu'il fait plus riche qu'un animal d'une autre couleur. Mais bon, hein. Je vais dire, écoutez, pour pas qu'on les confonde avec les loups. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est votre dernier mot. Oui. Je reste là, je ne bouge pas, la tia-tia. Et ah là là, moi j'aime pas quand... Vous avez vu ce suspense? elle le fait même mieux que Jean-Pierre Foucault. Donc il veut gagner des millions. Non mais c'est vrai. Et malheureusement, vous avez gagné. Ah. Et oui, parce que... Regardez. Qui dit berger allemand dit berger. Et qui dit berger dit chien de berger. Mmh. Or, bah bien sûr, les ancêtres du berger allemand gardaient les troupeaux. Et les troupeaux pouvaient être attaqués par des loups. Or, au crépuscule, comment faire la différence entre le berger allemand qui garde et le loup. Et c'est pour ça qu'ils voulaient des chiens blancs, comme ça, au crépuscule, quand ils avaient à tuer l'animal. Ils ne pouvaient pas se tromper. Pas mal. Ou quand ils voyaient un animal rôdé, bah, s'il était blanc, c'est bon, c'était le chien de berger. Mais il n'y a pas de loup blanc. Mais si, il y en a, mais pas en France. Ah, pas en oui, d'accord. C'est ça. Voilà, donc les explications coulent de source. Eh bien, très bien, Laetitia, on va revenir dans un instant. Je m'en suis bien sorti là pour le quiz de la vie privée des animaux. J'ai eu un petit peu de chance, hein, mais bon. Dans un instant, nous aurons Diane qui va nous parler d'oiseaux. Eh oui, elle a vu un joli oiseau sur son balcon et elle aimerait bien avoir votre avis, Laetitia. Puis je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser toutes vos questions animaux sur RMC. Profitez-en, le 3216 ou animaux@rmc.fr comme chaque dimanche. Laetitia Barlerin m'accompagne jusqu'à 8h. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC. Une tenue optimale sur une route côtière sinueuse. Un arrêt instantané en pleine nuit sous une pluie torrentielle. Une adhérence parfaite lors de l'accélération. Et si vous ne faisiez qu'un avec la route? Ne faites qu'un avec vos pneus et la route ne fera qu'un avec vous. Pneumatique en couque. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes. Du 9 au 13 juin, la French Touch Renault présente ses plus grands hits comme Twingo, Clio, Capture dans une compilation d'offres exceptionnelles. Et la French Touch vous sort le grand jeu, à gagner une nouvelle Renault Mégane GT. Vous avez bien entendu, une nouvelle Mégane GT. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, la touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture sur l'autorisation, voir Renault.fr. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Le retour de votre rendez-vous animaux sur RMC. Dans un petit peu moins d'un quart d'heure, on retrouvera la météo et les infos de 7h, bien entendu. Et puis juste après Laetitia, on parlera foot, mais à notre manière. Oui, on va dire. Voilà. Euro. Et voilà, pendant tout l'euro, on va s'intéresser aux pays qui vont jouer au foot, hein, qui font partie de l'euro. Et voilà. Et s'intéresser sur le prisme de l'animal, bien évidemment. Et oui, les particularités concernant le droit des animaux dans ces pays. Et puis aussi faire le focus sur une race ou une espèce spécifique de ce pays. Et on va commencer par le berger allemand, puisque ce soir, c'est l'Allemagne qui joue contre l'Ukraine. Exactement. Et puis nous aurons aussi Maître Xavier Berquet, qui a étudier pour nous la législation en Allemagne et en Autriche concernant les animaux. Et puis on vous fera découvrir aussi tout à l'heure un animal étonnant qui est une star sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'MG. Voilà. C'est un beagle. Exactement. Médicida, vos questions animaux au 3216. Et nous accueillons Diane qui est là. Bonjour Diane. Oui, bonjour François et bonjour Laetitia. Bonjour Diane. Bonjour Diane. Oui, alors, vous êtes photographe et vous avez photographié un petit oiseau que vous nous avez envoyé. Oui, il est très très beau. Alors, je l'ai vu sur mon balcon. Alors, pour le décrire, en fait, il est un peu comme tigré. Il a des rayures gris ou blanc et noir. Il a le dessus de la tête rouge. Il est très beau, il est assez petit. Et je me demandais ce que c'était et je voulais en savoir un petit peu plus sur... Mais vous habitez où, Diane? J'habite en Seine-et-Marne. D'accord. Eh ben, écoutez, c'est un super petit oiseau. C'est un petit pic. C'est un pic épéchette. Alors, j'ai été voir la photo, bien sûr, parce que... Oui, parce que Diane nous a envoyé la photo. Hein. Alors, c'est vrai que c'est très surprenant parce que c'est gros comme un moineau. Donc c'est tout petit petit. Ah oui, oui. Ça, donc 20-25 grammes quoi. Mmh. Et comme vous l'avez bien décrit, il est bigarré noir et blanc avec une tache sur la tête qu'on appelle une calotte, qui est toute rouge. Et c'est comme ça qu'on le reconnaît. Alors c'est. Alors il y en a beaucoup de ces oiseaux. Alors, c'est une espèce qui est protégée, mais ça va, elle n'est pas en voie de disparition en France. Hein, il y en a assez, parce que elle se nourrit sur les arbres. Et alors, je pense que sur la photo, on voit qui s'agrippe, ce pic s'agrippe sur les barreaux du balcon. Et je pense qu'il a cru que c'était une branche. Non, c'est vrai. Il s'est dit voilà, je vais aller voir s'il n'y a pas à manger. Il a dû taper sur le. Mais sur la rambarde, il a dû être, à mon avis, un peu déçu, je pense. Oui, il a mal à la tête là aujourd'hui. Et sauf si Sylvia lui a laissé quelques petites. De miettes de pain. Eh ben non, parce qu'il mange pas de pain. Il mange pas de pain. C'est un insectivore et c'est un insectivore qui mange des insectes xylophages. Vous savez, ces insectes qui mangent du bois. Oh. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Alors, il aime bien aller sur la cime des arbres parce qu'il a une petite langue. Une petite langue. Oui, une petite langue très effilée. Oui. Très visqueuse. D'accord. Et détail important. À l'extrémité de cette petite langue, il y a des petits crochets. Et donc, il va attraper les vers avec ça. Il va attraper les vers, wow. Les insectes xylophages et les larves d'insectes xylophages avec ça. C'est-à-dire il déroule sa petite langue dans les trous qu'il y a dans les branches ou dans les trous. Et il va chercher au fond du trou. Il va chercher au fond du trou. C'est incroyable. S'il y a des larves il doit savoir hein, parce qu'il reconnaît, il va manger comme ça. Donc non, les miettes de pain, vous pouvez toujours mettre des miettes de ça pain, des graines, pas. Il va les snober et non. Alors par contre, si vous avez des petits des petits verres de farine, peut-être qu'il prendra encore ses gros, mais peut-être que oui. Mmh. Mais il faudrait mettre le verre de farine dans un tronc creux, voyez, avec des trous. ça devient compliqué de nourrir quand même. Oui, il faut recréer l'environnement quoi. Ouais, il faut recréer l'environnement, donc vous inquiétez pas, il s'est juste planté là, c'est le cas de le dire. Il s'est planté d'arbre, il a été sur le balcon mais c'était pas un arbre. Et ou alors c'est que vous avez des trous sur la rambarde. Voilà, ça, il y a peut-être des trous. Ah bah il y a peut-être oui, peut-être il y a des insectes. En tout cas voilà, il aime bien aller voir les petits insectes qui sont enfouis comme ça dans les branches ou dans les troncs d'arbres et il se nourrit comme ça. D'accord, et on en trouve souvent. Enfin c'est rare animal, quand même de le voir. C'est rare parce que c'est un oiseau qui est très discret. Ah, parce oui. qu'il est souvent sur la cime des arbres, et donc oui. on le voit pas. On voit pas, oui. Donc là, c'est vraiment extraordinaire de c'est le voir chouette. Presque. Hein. Les ornithologues adorent parce qu'ils le photographient tout de suite. Mmh. Voir ce genre d'animal qui, comme je vous dis, il n'est pas rare, mais il est discret par rapport à l'homme. Il fuit l'homme parce que ça l'intéresse pas lui. Les balcons, les mangeoires, tout ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est aller sur la cime des arbres pour aller manger ses insectes. Voilà. Et comme quoi, on peut être encore étonné, émerveillé de voir des oiseaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Non, et c'est vrai. Ça démarre. Bon, on est aux portes de Paris, France, hein. Mais, donc, mais c'est vrai qu'on en voit pas beaucoup, quoi. C'est chouette. Vrai. Merci en tout cas, Diane, pour votre appel. Si tout comme Diane, vous faites des observations étonnantes d'animaux, sur votre balcon ou dans votre jardin. Là encore, n'hésitez pas à nous appeler. Je préfère une diagnose, vous voyez. D'animaux. Prenez en photo. Les photos floues, j'ai du mal, mais. Oui. Ah oui. Envoyez-nous une photo, ça sera plus simple après pour que Laetitia puisse identifier. 3216, et alors le mail hein, pour nous envoyer la photo, animaux@rmc.fr tout simplement, et joignez-nous votre numéro de téléphone, comme ça on vous rappellera dans la foulée. Laetitia, on va retrouver notre question mail maintenant, c'est la question de Dany. Je pars en vacances avec mon bouvier bernois qui s'appelle Fidji. Oui. J'ai entendu que le sel pouvait être nocif pour lui. Que faire s'il se baigne ou marche dans la mer? Alors oui, le bouvier bernois. Oui, en plus il a beaucoup de poils et beaucoup. Oui. Alors en plus les bouviers bernois adorent l'eau. C'est vrai. Même s'ils sont de Suisse, hein, mais en Suisse, il y a quand même des lacs, hein, ou des rivières. Alors, faites très attention parce que non seulement il y a le sel, mais il y a le sable aussi. Alors, il y a trois problèmes. Il y a des problèmes cutanés, des problèmes de conjonctivite et des problèmes d'otite à la mer. Et il y a un quatrième problème, le problème aussi gastrique, c'est-à-dire que le chien, quand il avale l'eau de mer, il peut s'irriter, puisque l'eau est salée, bien sûr, il peut s'irriter à l'estomac et vomir après. Alors, concernant votre chien, à la plage, vous pouvez rien faire. Soit lui mettre des bottines. Alors ça, j'attends vraiment que les producteurs d'accessoires sortent des bottines pour la plage, c'est-à-dire hermétiques. parce que l'eau, le sable se met entre les coussinets, entre les doigts et irrite cet endroit qui est très fin. Enfin, c'est de la peau très fine qui est vite irritée par l'eau, l'eau salée et par le sable. Et cette irritation, en plus, est entretenue par l'animal qui va sécher, bien sûr, qui se lèche en retour de plage. Et donc, après, on a une inflammation. Il faut mettre de la pommade. Alors, c'est pas grave, mais c'est gênant quand même. Ça peut s'infecter. Et puis, on a aussi, on peut avoir aussi, au niveau des aisselles ou du ventre, si on peut avoir des irritations dues au sable et au sel. Donc, ce qui veut dire, Dani, qu'il va falloir le rincer à l'eau douce, bien sûr, au retour de plage, hein, le soir. Je pense que, vu la température, il va aimer ça. Donc, vous le rincez bien, surtout dans là où la peau est fine, où il y a peu de poils, donc ventre, aisselle et pattes, oui. Doigts et pattes. Et faites très attention aussi, s'il se baigne dans la mer, aux otites aussi dues à l'eau salée aussi, ou au sable qui va dans les oreilles. Donc, il faut juste surveiller. Et puis aussi, dernière chose, les vents de sable irritent les yeux. Donc, vous pouvez aussi nettoyer les yeux en revenant de la plage avec du liquide physiologique, tout simplement, genre d'acryosérum que vous mettez dans les yeux pour rincer les yeux. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont, on va dire, plus costauds par rapport à ça? Par exemple, le labrador, il y a moins de soucis? Alors, non, parce que le labrador, il a des pattes palmées. Oui. Donc, il a encore plus grande surface de peau entre les doigts. Donc, non. Faites attention quand même. Les bouviers bernois sont noirs. Donc, craignent plus les coups de chaleur. D'accord. Et oui, parce que le noir chauffe plus. Voilà. Donc, ça veut dire que vous amenez votre bouvier à la plage tôt le matin, tard le soir, mais pas entre 11h et 17h. Laetitia, on enchaîne avec la question d'Isabelle maintenant, qui nous a appelé au 3216. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. On vous écoute, allez-y. J'avais une question donc par rapport à ma chatte Cosette, qui a 2 ans et demi. Cosette. Donc en fait, elle se nourrissait très bien jusque maintenant. On alternait pâté et croquettes. Oui. Et vous alterniez ou vous mettiez ensemble? Non, on alterne. Souvent, le soir, c'est la croquette. Oui. Et le matin, c'est la pâtée. D'accord. Et depuis 2-3 mois, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle nous réclame la pâtée. Oui. Mais en fait, elle suce la gelée autour des mini-boulettes de viande. Oui, oui. Mais elle ne mange plus la viande, en fait. Ah bah, c'est ce qu'il y a de meilleur, hein. Eh oui, alors bon, faut savoir que ce qu'ils mettent dans la gelée, c'est un petit peu la sauce, la sauce qui attire. Hein, ce qui attire On en parlait tout à l'heure, c'est la sauce magique. C'est la sauce magique, voilà, c'est ce qui a le plus d'appétence. Et c'est vrai que souvent les chats commencent par lécher la gelée ou la sauce avant de manger. Alors si elle n'en mange pas, si à côté de ça, vous donnez des croquettes, il n'y a pas de problème, Isabelle. Ça veut dire que voilà, elle a quand même un régime équilibré. Après, est-ce qu'elle mange pas la pâtée en elle-même parce que elle n'a pas faim, parce qu'elle a des problèmes de santé ou pas? Ça faut voir. Est-ce qu'elle a maigri? Du tout. Non, pas du tout. Elle est en bonne santé. Ah oui, elle a son attitude, même son poids, tout ça n'a pas changé du tout. D'accord. J'avais changé de marque de pâté. Oui. Et alors? Et non, c'est la même chose. En fait, je me dis, je vais lui laisser jusqu'à ce qu'elle finisse par. Mais non, elle la laisse sécher carrément. Ah oui. Et puis alors après, au bout d'une heure, je peux vous dire qu'aucun chat mange la pâtée parce que c'est trop sec. Hein. Oui, voilà. Il y a plus l'odeur justement qui les attire. Mais écoutez, franchement, si à côté, elle mange bien ses croquettes, elle les avale bien, les croque bien. Ah ouais, ça, il y a pas de problème, ça, bon. Aucun problème de pas ce côté. Pas de vomissement. Non, non, du tout. Non, il n'y a que ça depuis 2-3 mois, je vous dis, au niveau de cette pâtée. Donc, j'avais changé de marque et tout ça, mais non. Bon, je pense qu'elle aime bien le caviar de sa pâtée, quoi. C'est-à-dire que, voilà, elle a dit... Bah, comme elle mange des croquettes à côté, donc elle n'a pas énormément faim, elle lèche ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire, cette gelée. Ne vous inquiétez pas, hein, si elle mange bien ses croquettes à côté, ça veut dire qu'elle n'a pas des problèmes au niveau de la bouche, vous voyez, genre infection, gingivite ou autre, ou ulcère même. Si elle ne vomit pas... ça veut pas dire, parce que vous savez, il y a des chats qui ont des aigreurs d'estomac ou qui vomissent et ils lèchent juste la pâtée, ils veulent pas manger parce qu'en fin de compte ils ont pas faim, mais comme elle mange à côté et qu'elle ne vomit pas ce qu'elle mange à côté, c'est-à-dire ses croquettes, ça veut dire que voilà, elle n'est pas malade. C'est juste une lubie qu'elle a, elle mange ce qu'il y a de meilleur, elle trie, c'est du tri hein, tout simplement. Bien sûr. Eh oui. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, Isabelle, c'est tout mixer. Mmh. Ah ben oui, ça c'est bien. Mettez tout au mixeur. Oh, la pâtée au mixeur. Oh mon Dieu. Rincez bien le mixeur, après si vous en servez pour vous. Hein. Parce que l'odeur... Mon Dieu. Merci Isabelle pour votre appel. Et dernière chose que vous pouvez faire aussi, c'est sortir le sachet, ne pas lui donner le sachet trop froid. D'accord. Aussi. Ah oui, ça aussi, à température ambiante. Ils n'aiment pas manger les boulettes de viande, comme vous dites, quand elles sont trop froides. Laetitia, on va revenir dans un instant après la météo et les infos, bientôt 7h. Et pour notre deuxième partie de ce rendez-vous animaux, nous allons nous intéresser à nos amis allemands à l'occasion de l'Euro, puisque ce soir, les Allemands vont jouer contre l'Ukraine. Et bien, dans ce rendez-vous animaux, on va s'intéresser aux pratiques des Allemands vis-à-vis de leurs animaux. Qu'est-ce que dit la législation là-bas? On va en parler avec Maître Xavier Baquet. On va s'intéresser aussi aux bergers allemands. Et puis, on vous fera découvrir un animal star sur les réseaux sociaux tout à l'heure. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. J-3 avant le match de la France face à l'Albanie. Soutenez les Bleus en participant au Playback Challenge de Carrefour. Plein de cadeaux sont à gagner, des téléviseurs, des places de match et même votre place dans le clip des supporters des Bleus par Skip the Use. Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France de football. Règlement sur l'application Playback Challenge de Carrefour. Passionné par l'automobile et la moto, découvrez la 8e édition de l'Autodrome Héritage Festival. Rendez-vous aujourd'hui aux portes de Paris sur le circuit mythique de l'Autodrome de Linas-Montlhéry pour vivre une journée exceptionnelle. De nombreuses animations pour petits et grands vous attendent. Balades en bus historique, initiation à la conduite de véhicules anciens, dédicaces de pilotes et plein d'autres surprises. Venez profiter de cette journée en famille et assister au concours d'État parrainé par la LIC. Plus d'informations sur parisautoevent.com. 15€ sur place et gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés. C'est l'heure de la météo maintenant sur RMC. La météo de votre week-end avec Valentin Mailleux. Bonjour Valentin. Ah, bonjour François, bonjour à tous. Un dimanche toujours sous la pluie sur une grande partie du pays. Au nord-est ce matin, les averses sont fréquentes de la Champagne-Ardenne jusqu'en Bourgogne. Il pleut aussi sur tout le nord-ouest entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Au sud par contre, on profite encore du beau temps avec du soleil, des Pyrénées à la Corse mais aussi du vent. Cet après-midi, le ciel restera maussade sur une large moitié nord avec des averses et localement même des orages. Toujours du soleil au sud mais encore du vent qui soufflera jusqu'à 80 km/h près de la Méditerranée. Demain et une bonne partie de la semaine, ce temps perturbé va continuer avec des averses, mais toujours du soleil dans le sud. Les températures encore en baisse cet après-midi, 18 degrés à Brest et Cherbourg, 19 pour Lille, Paris et Limoges, 20 degrés à Clermont-Ferrand, 21 pour Strasbourg, Bordeaux et Nantes, il fera 22 à Lyon et Biarritz, 23 pour Toulouse, 24 degrés pour Nice, 27 pour Perpignan et 28 degrés, c'est prévu pour Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Dès 14h, intégral UEFA Euro 2016. Avec à 15h, Turquie-Croatie, suivi à 18h de Pologne-Irlande du Nord. 20h, Formule 1, départ du Grand Prix du Canada. Et à 21h, intégral UEFA Euro 2016, coup d'envoi d'Allemagne-Ukraine. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC, il est 7h. Merci d'être là. Bon réveil à vous tous. Toute l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. 35 blessés, dont un Anglais entre la vie et la mort ce matin. Le cœur de Marseille, théâtre d'affrontement d'une violence inouïe. Hier, combat entre supporters anglais et supporters russes. L'Euro de football sur le terrain. Cette fois-ci, l'Allemagne entre en lice aujourd'hui. On prendra également des nouvelles des Bleus dans ce journal. Et puis la politique ce dimanche avec Europe Écologie, les Verts en pleine reconstruction. Nouveau secrétaire général élu hier. Et puis Nicolas Hulot sur toutes les lèvres. Il est 7h01 sur RMC, bonjour à tous. RMC, UEFA Euro 2016. Et avant de retourner à Marseille ce matin, des nouvelles de l'équipe de France. Deux jours après sa victoire en ouverture de l'Euro, les Bleus sont donc rentrés à Clairefontaine dans leur mur avec du baume au cœur, mais aussi beaucoup, beaucoup de questions. Vendredi soir, c'était loin d'être parfait. Et Jérôme Sillon, Didier Deschamps, a plein de problèmes à régler. En remplaçant Paul Pogba pour changer de système tactique et gagner le match d'ouverture, Didier Deschamps a prouvé que sa star n'est pas intouchable. Le milieu de la Juventus Turin n'a plus marqué en bleu depuis un an et demi. Ses dribbles inutiles ont agacé, mais le sélectionneur ne l'accable pas. Il peut mieux faire, bien évidemment. Je ne vais pas être trop dur avec lui. Évidemment que potentiellement, il est capable de nous apporter plus. Patrice Evra aussi a déçu, malgré ses 74 sélections. Fautif sur le pénalty roumain, dépassé dans son couloir gauche, le défenseur a reçu le soutien de Didier Deschamps. Je l'ai pas trouvé plus en difficulté qu'un autre. Puis c'est pas parce que on est plus expérimenté. Lui, il a envie, comme tout le monde, de bien faire, à vouloir bien faire. Des fois, on veut trop bien faire. Evra et Pogba devront élever leur niveau si les Bleus veulent aller au bout de cet Euro. Et aujourd'hui, sur la pelouse, les Allemands entrent dans la compétition. Le champion du monde face à l'Ukraine. Avant cela, la Turquie affronte la Croatie. La Pologne jouera contre l'Irlande. Hier, les Anglais ont déçu. Match nul un partout face à la Russie. Mais les Anglais méritaient mieux, selon Roland Courbis de la Dream Team RMC. Avec des occasions de faire le break comme ils ont pu les avoir, 2-0, le match aurait été terminé. Mais de notre côté, on va pas dramatiser non plus, parce que c'est le même match pour les Anglais que notre équipe de France, sans le but de Payet. Hein. C'est une demi-contre-performance. Ça ne va pas empêcher les Anglais de se qualifier. Et j'ai quand même la confirmation aussi qu'il faudra compter avec les Anglais comme outsider. C'est pas cette égalisation à la 90e minute qui va me faire oublier les 89 autres. Voilà pour le football, mais hier c'est surtout vers l'extérieur du stade Vélodrome de Marseille que tout s'est joué. La barbarie hooligan. Les images sont insupportables. Bataille rangée entre 300 Anglais et 200 Russes et au milieu les forces de l'ordre à qui mettaient sur le Vieux-Port au milieu des affrontements. C'était violent. Ben, j'ai vu des gars bien bien amochés, des trous dans la tête, dans les jambes. Là-bas, je sais qu'ils se sont battus contre des Russes, Anglais contre les Russes. Et après, ils s'est mêlé des jeunes de Marseille aussi. Hein. Ben, moi, je trouve ça horrible. Hein. Je veux dire, moi, j'ai vu des gars aujourd'hui, c'était horrible à voir. Hein. Des gars en sang de partout. Enfin. Ah ouais, ils se frappaient à coups de bouteille. Il y en a qui avaient des barres là-bas, qui frappaient avec des barres. Je veux dire, moi, j'ai un collègue restaurateur, il a sorti une barre. Hein, pour il s'est battu à des Anglais, hein, juste à 2 mètres. Là, hein. C'est pas normal. On est là pour travailler, pour faire la fête. Et bon. Ah ouais, ça gâche la fête. Bien sûr. Nous, on fait de gros événements pour le rugby. Nous, il y a peut-être plus de monde que là. Et tout se passe bien, quoi. Il n'y a pas de débordement, ça fait la fête, gagnant, perdant. Hein. Le témoignage d'Hakim au micro Lionel Dion, 35 personnes sont blessées, 4 grièvement et un supporter anglais d'une cinquantaine d'années est entre la vie et la mort ce matin. Bilan dramatique à tel point que le ministère de l'Intérieur organisait hier soir une réunion de crise. La sénatrice de Marseille, Samia Ghali, dénonce, elle, quelques manquements sécuritaires. Je ne comprends pas qu'on s'est retrouvé avec des hooligans qui n'avaient rien à faire sur le Vieux-Port, qui n'avaient rien à faire en France et qui auraient dû rester en Angleterre. Je ne comprends pas que le gouvernement anglais ait laissé, les autorités anglaises, aient laissé finalement ces hooligans venir à Marseille pour commettre ce qu'ils ont commis. Voilà, c'est inacceptable. D'ailleurs, je pense qu'il faut leur demander des comptes. C'est plutôt de ce côté-là qu'il faudra demander des comptes. Et comment nous, en France, on les a laissés rentrer alors que ce sont des gens qui sont fichés? C'est très clair. On est en état d'urgence, on nous a expliqué ça. Ben, drôle d'état d'urgence aujourd'hui. Hein. Samia Ghali, interrogé par Lionel Dion, le correspondant d'RMC à Marseille. Le hooliganisme, fléau forcément attaché aux compétitions de football. Et puis il y a un autre fléau qui entoure les compétitions sportives et la France n'y échappe pas. Le développement de la prostitution. Des millions de supporters qui débarquent en France, c'est autant de clients potentiels. Hélène Bidard, adjointe au maire de Paris, craint effectivement des débordements. Il y a encore certains archaïsmes qui peuvent entourer ces compétitions et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de grandes compétitions d'hommes, il va y avoir des milliers aussi de supporters venus de l'étranger et c'est pour ça qu'on là on lance cette campagne en anglais et donc notre objectif c'est de les interpeller et de les prévenir que la loi a changé. Désormais, ils sont sanctionnés par la loi. La mairie de Paris fait fausse route, c'est la réponse de maîtresse Gilda du syndicat du travail du sexe. C'est un mythe. On a une image où le supporter de foot, c'est forcément un mâle aviné, en rute, assoiffé de sexe, qui va consommer compulsivement des centaines de prostituées. Les gens assistent au match d'abord, et ensuite lorsqu'ils sortent, alors soit leur équipe a gagné, ils sont contents, ils vont boire, faire la fête, etc. Soit leur équipe a perdu, ils rentrent chez eux. Donc de toute façon, les soirs de grands événements sportifs, mes collègues vous le confirmeront, c'est les soirs où on travaille le moins. Le reportage d'Aurélia Manoli. Il est 7h05 sur EMC La Politique. Ce dimanche, c'est Europe Écologie Les Verts qui se cherchent une certaine stabilité. Après le départ de nombreux cadres, après l'affaire Denis Baupin, le parti tenait son congrès hier. David Cormand a été élu secrétaire général. Mais c'est bien la place des écolos à la prochaine présidentielle qui est dans toutes les têtes. Claire Checaglini, une question se pose chez les Verts. Nicolas Hulot peut-il sauver ce qu'il reste à sauver ? En 2011, il n'avait recueilli que 41% des voix lors de la primaire qu'il opposait à Eva Joly. Qu'importe, Nicolas Hulot apparaît désormais comme un potentiel sauveur, comme l'explique le député européen Yannick Jadot. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les échecs électoraux ont succédé aux échecs électoraux. Nicolas Hulot incarne une fraîcheur politique que Europe Écologie Les Verts peine à retrouver vis-à-vis des électeurs. Mais pour Grégoire, militant, là n'est pas l'essentiel. Ce qu'on cherche, c'est pas un homme providentiel ou un messie, c'est vraiment d'incarner une dynamique de changement forte et radicale dans nos sociétés. Et pour Muriel, écologiste depuis 30 ans, pas question de faire confiance à l'ancien animateur télé. La personne qui se présente, elle veut obtenir un poste qui a une importance capitale. Donc je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un d'éminemment politique. Nicolas Hulot sera l'homme du spectacle, mais pas forcément l'homme de la réponse en ce qui concerne l'écologie politique. Lors de la dernière présidentielle, le parti avait choisi un profil hors du champ politique. L'ex-magistrate Eva Joly avait alors totalisé 2,3% des suffrages. Le reportage de Claire Checaglini. Un coup porté aux manifestants les plus durs. La fin de la grève votée hier dans la plus grande raffinerie de France à Gonfreville. Épuisement de la contestation? Non, répond le patron de la CGT, Philippe Martinez, qui pronostiquait hier une manifestation monstre mardi prochain, 9e rassemblement unitaire contre la loi El Khomri. Marche blanche pleine d'émotions aujourd'hui dans les rues de Saint-Denis en Ile-de-France. Marche blanche en mémoire des victimes de plusieurs incendies d'immeubles survenus en quelques jours. Le dernier a tué 5 personnes lundi dernier. Marche de colère aussi contre l'insalubrité des logements qui favorisent les sinistres. Maud habite justement à quelques mètres du bâtiment détruit lundi soir. Ça me met en colère parce que ce drame, il aurait pu être évité. Pour moi, c'est ça. En France, on attend toujours le dernier moment. On attend toujours que les choses se passent pour prendre des décisions qui pourraient sauver des vies, qui pourraient arranger les choses. Non, on attend que les drames arrivent. Et en plus, à Saint-Denis, c'est quand même pas le premier. Donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'une politique sur le logement, une vraie politique qui pourrait sauver des vies, pourrait être menée. C'est pas qu'on n'a pas les moyens, c'est juste qu'il n'y a pas de volonté. Alors oui, c'est bien beau les discours, mais ça serait sympa s'il y avait une véritable volonté d'agir. Un témoignage au micro de Marion Dubreuil. Petit rappel, ce dimanche, petit rappel un peu rude pour 690 000 personnes. Ce sont les candidats au bac 2016. 690 000 écoliers qui n'ont plus que 3 jours. Et oui, 3 jours pour potasser l'épreuve de philo. C'est mercredi prochain l'occasion de revenir sur une mesure adoptée jeudi dernier. Mesure en faveur des décrocheurs scolaires. Le gouvernement veut leur apporter un coup de pouce, non pas éducatif, mais financier. Une prime de 600 euros pour les élèves qui ont quitté l'école et pour les inciter à y retourner. Mesure intéressante, explique Valérie Sepahi-Malani du SNES, syndicat d'enseignants. Cette prime, elle va aider certainement certains élèves à acheter du matériel pour retourner dans les études. Et donc pour nous, c'est une très bonne chose. Ce sont souvent des élèves qui sont en difficulté financière ou issus de milieux qui ont du mal à les soutenir. Ces décrocheurs ne sont pas prioritaires pour avoir une place dans les lycées. Et donc il faut qu'il y ait des places vacantes. C'est ça le plus important. Valérie Sepahi-Malani, interrogée par Benoît Ballet. Il est 7h09 sur RMC. On termine avec les courses. François Sorel. Et avec un tiercé quarté quintet plus cet après-midi à Auteuil, Sébastien Darras nous conseille l'As Tsar de Noël, mais aussi le 6 Boulette Tous. Brahim Asloum, lui, reste fidèle aux 2 Rock the Race. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 12 Greenamix et le 3 Cross in Hand. Nous avons donc l'As, le 6, le 2, le 3 et le 12. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Et nous voilà repartis pour notre deuxième acte de ce rendez-vous animaux. Le rendez-vous, vous le savez, des passionnés, des amoureux des animaux que vous retrouvez chaque dimanche 6h-8h sur RMC avec Laetitia Barlerin. Laetitia, ça y est, l'Euro, c'est parti. C'est la fête du foot, la fête du sport. Eh bien, nous, on va s'intéresser à l'Euro, mais on va dire du côté des animaux, forcément. Eh oui. Et parce que j'ai essayé de trouver une équipe de chiens footballeurs. Ouais. C'est pas facile, hein. Bah, en trouver 11, c'est pas facile, hein. Bah, donc, voilà. Donc... Et puis, pour les interviewer, voilà. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, on s'est dit, tiens, ce soir, il y a, Allemagne-Ukraine. Voilà. Bon, si on s'intéressait un petit peu à l'Allemagne. Bah, voilà. Bah, pour voir ce qui se passe au niveau des animaux là-bas. Oui, parce qu'on dit souvent que, l'herbe est plus verte chez le voisin, hein. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, ils ont une législation qui a... Est-ce que les animaux ont plus de droits chez eux que chez nous? Ou moins, d'ailleurs, hein. Donc, on va demander. On va demander justement à notre avocat préféré, quand même. Xavier Baquet. Xavier, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour maître. Vous n'êtes pas trouvé de joueur, vous êtes trouvé un entraîneur, c'est ça? Voilà. Voilà, alors on a l'entraîneur, Xavier. Alors, moi, j'ai fait mes petites recherches concernant... C'est ça, vous êtes en short, Xavier, parce qu'un entraîneur est toujours en short. Oui, mais évidemment, évidemment. Ah, évidemment. Bon, d'accord. Avec le maillot, voilà, rassuré. Tout ça. Bon, très bien. Alors, moi, j'ai fait mes petites recherches concernant d'abord la population de chats et de chiens en Allemagne. Alors, oui. Il y a plus... la population d'Allemands est plus grande, bien sûr, qu'en France, mais il y a moins de chiens et de chats, parce qu'on sait que la France est quand même la championne d'Europe en possession d'animaux. Alors, en Allemagne, on a le chat, il y a beaucoup plus de chats que de chiens, comme en France. Il y a 8 millions de chats. Bon, en France, c'est 13 millions de chats. Hein. Mais en Allemagne, 8 millions de chats et 5 à 6 millions de chiens. D'accord. Moins qu'en France, nous, on est à 7 millions. Ah mais oui. Ça se rapproche. D'accord. Hein. Voilà. Alors, est-ce que l'Allemagne est un exemple en droit animalier, Xavier? J'ai envie de vous répondre oui. Oui, historiquement. Oui. Et en tout cas, l'Allemagne a été... bien, bien avant la France soucieuse du statut de l'animal. Il faut savoir que la protection des fondements, de ce qu'on appelle des fondements naturels de la vie des animaux en Allemagne, est prévue dans la Constitution. Ah oui. Donc, chose qui n'est pas le cas, bien évidemment en France, y compris et malgré les dernières modifications que nous avons eues récemment. Oui. Et c'est comme ça que vous avez un article 20 de la Constitution allemande, donc de 1949. Je vais vous lire, il est très bref, qui dit « Assumant également sa responsabilité vis-à-vis des générations futures, l'État protège les fondements naturels et les animaux par l'exercice du pouvoir législatif dans le cadre de l'ordre constitutionnel et des pouvoirs exécutifs et judiciaires dans les conditions fixées par la loi et le droit. » Donc ça veut dire que vraiment la condition animale chez les Allemands est constitutionnelle. Donc c'est vraiment important parce que il y a peu de pays en Europe qui ont cette conception-là et en tout cas la France n'en a pas encore. Alors j'ai lu quand même, mais c'est peut-être une erreur, qu'on pouvait faire de son animal son héritier en Allemagne. C'est vrai ça? Alors, question. D'abord, en France, quelle est la réalité? Alors, française? En France, on ne peut pas. En France, on ne peut pas en tant que tel. C'est-à-dire que le système qui permet de faire d'un animal son héritier est un système anglo-saxon. C'est le système du trustee. Le trustee, c'est quoi? C'est vous confier à un tiers que vous allez désigner de votre vivant la gestion de vos biens lorsque vous serez décédé. Mmh. Et dans le cadre de ces gestions, vous pouvez dire, eh bien, écoutez, voilà, je veux que mon chihuahua, je veux que mon berger allemand, mon chat puisse bénéficier toute sa vie durant de mes biens. Mmh. Ça, c'est le trustee qui va le faire pour votre animal. Ça, c'est le système anglo-saxon. Alors, l'Allemagne, très honnêtement, je n'ai pas connaissance de ça en Allemagne. Alors, c'est peut-être une modification récente, hein, mais pour moi, on est vraiment dans un mode anglo-saxon. Alors, c'est vrai aux États-Unis, ça peut être vrai également en Angleterre, mais pas Allemagne, en France. Ah non, pas en France, ça c'est sûr que non. Ça c'est sûr que non, on ne peut pas. Par contre, les Allemands ont ajouté en 1990, je crois, un article à leur code civil qui précise que, et ça c'est important parce que c'est en 1990, nous on est en 2016, qui précisait déjà en 1990 que les choses, au sens de la loi, sont seulement les objets corporelle. Et l'article 90 précise, les animaux ne sont pas des choses, ils sont protégés par des lois spécifiques, les dispositions s'appliquant aux choses ne leur sont appliquées que dans la mesure où il n'existe pas de disposition contraire. Donc vous voyez bien qu'il y a, en 1990, donc il y a plus de 20, il y a 26 ans maintenant, l'Allemagne était déjà bien devant nous en extrayant de la notion de chose l'animal, et donc en prenant en compte le caractère sensible de l'animal. Donc on a souvent tendance à penser, c'est pour ça que c'est pas très intéressant que vous fassiez, François et vous, et toi, Laetitia, le parallèle du droit européen, parce que j'ai l'impression que la France, c'est le fer de lance, c'est la France. Mais non, non, et on oui. est bien souvent en retard. Et par rapport à nos amis allemands, là, pour le coup, on a pratiquement 30 ans de retard. Et alors, j'ai lu aussi, ça avait fait aussi la une dans les journaux allemands, qu'une ville allemande propose aux personnes d'être enterrées avec leur animal de compagnie. Alors, pas enterrées, oui. c'est des urnes funéraires, mais bien qu'on peut mettre dans le même, voilà, ce qui n'est pas possible en France. Alors, je vais mettre un bémol. Alors, effectivement, en Allemagne, on va dire que c'est possible. Et qu'il ne faut pas, à ce moment-là, demander de dérogation et passer par tout un cursus administratif très lourd. En France, j'ai eu le cas, là, pour un de mes clients, il n'y a pas tellement longtemps. Normalement, légalement, stricto sensu, ce n'est pas possible. Alors, on vous invoque des règles d'hygiène, enfin, j'en aurais passé des meilleurs. Et puis, surtout, on est surtout sur des principes pseudo-religieux, parce qu'en fin de compte, c'est ça qui bloque. Des règles d'hygiène avec des cendres. Oui, mais on l'invoque. Mais derrière, quand on creuse un peu, c'est plus religieux. Et vous savez très bien, je veux dire, voilà. Mais, au cas par cas, on peut y arriver. Là, je l'ai obtenu pour une de mes clientes, enfin pour les héritiers du moins. La dame voulait se faire enterrer avec son petit chien. Elle est enterrée avec son petit chien. D'accord. Bon. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose qui, ipso facto, peut être autorisé. Donc, non. Tout ce qui est... On va dire que le cadre général de la notion d'animal en Europe, dans nombre de pays, est bien plus en avance qu'en France. En Autriche aussi, parce qu'en Autriche, on est exactement comme dans l'état d'esprit allemand, c'est-à-dire que le code civil autrichien qui a été modifié en 1986 va dire la chose suivante en 1986, on entend bien, hein, les animaux ne sont pas des choses, ils seront protégés par des lois particulières, les prescriptions en vigueur pour les choses ne sont pas applicable aux animaux que dans la mesure où il n'existe pas d'argumentation différente. Et on est en 1986, il y a 30 ans. Et donc, pareil, le droit autrichien a toujours eu pour souci de démontrer que l'animal est considéré comme une valeur supérieure à celle d'un objet. D'accord. Et ça, c'est vraiment important. Alors qu'ils n'ont qu'1,5 million de chats et 500 000 chiens seulement. Bah, c'est tout le paradoxe autrichien, parce que, si vous voulez, quand vous voyez ce qui se passe actuellement en Autriche, bon voilà, on peut avoir des grandes valeurs sur les votes autrichiens, mais quand vous voyez ce qui se passe en Autriche, et malgré tout, aujourd'hui, l'Autriche a tout de même inclus le bien-être animal dans sa constitution depuis 2005. Oui. Par exemple, les cirques, si, je crois qu'ils n'autorisent pas les animaux dans les cirques, les animaux sauvages dans les cirques. Exactement. Et alors nous, on est encore à se poser la question de savoir si c'est pas économiquement tuer les cirques que de rejeter les animaux sauvages. Mais non. Si vous voulez, le problème que l'on a, moi je pense, c'est que la France a toujours été un pays gouverné par des lobbies. On va pas se cacher, ça, c'est pas politiquement correct, mais on le vit aujourd'hui, hein, on est tous sujets aux grèves et autres. Tout le monde pense que les enjeux sont forcément pour les salariés alors qu'ils ne le sont pas. Et pour les animaux, c'est la même chose. Je veux dire, c'est que au lieu d'avancer, on va toujours prétexter des impossibilités économiques, historiques, culturelles, pour empêcher d'eux. Mais c'est faux. Qu'est-ce qui justifie le fait aujourd'hui qu'on maintienne les animaux dans les cirques? Rien, sauvage, rien. Si ce n'est le lobby du cirque qui se défend bec et ongles pour justement mettre en avant. Et l'Autriche et l'Allemagne vont bien au-delà de ça. Oui, ça fait longtemps qu'ils ont interdit ces cirques. Merci Xavier. Maître, merci beaucoup. Vous reviendrez pour nous parler d'autres pays de l'euro. Ah bien oui. Ah ben oui, parce qu'il y en a combien, 24 qui sont dans l'euro, c'est ça? Oui, on vous réserve les... On fait une douzaine d'émissions. Alors voilà, allez. Je savais que ça allait vous faire plaisir tout ça. Oui, parce qu'on s'entend moins souvent actuellement. C'est vrai. Ben, ça nous donnera l'occasion de discuter encore, maître. Merci beaucoup Xavier Baquet. Allez, bon dimanche. Avocat, bonne soirée. Hein. Avocat de la Fondation 30 millions d'amis. Laetitia, puis on va rester du côté de l'Allemagne, s'intéresser quand même à un chien mythique. Ah bah le berger allemand. Eh oui. C'est le chien préféré des Français, il paraît. Exactement, on en parle dans un instant avec une éleveuse passionnée de berger allemand. C'est Virginie Debay qui sera avec nous. C'était RMC, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. A tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, vos animaux sur RMC. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 € tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 juin, la nouvelle Opel Karl, désignée citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Peux-tu me dire pourquoi tu as choisi la Freebox Révolution ? Mais bien sûr que je peux te le dire. Pour son lecteur Blu-ray inclus et ses appels vers les mobiles. Ah oui. Plus d'infos sur free.fr ou 1044. Merci Free. Pam palam, pam palam. Tu l'as vu ? Où ? Oh non, c'est pas vrai, je l'ai encore raté. Ne laissez pas cette offre vous passer sous le nez. Jusqu'à dimanche chez Darty, bénéficiez de 10 € offerts en carte cadeau par tranche de 100 € d'achat sur tous les produits photo, multimédia, TV, son et téléphonie. Carte cadeau Darty limitée à 30 €, utilisable du 13 août au 30 septembre 2016. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France ? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. RMC, le week-end des experts. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Le week-end des experts, les animaux, comme chaque dimanche 6h-8h, avec notre veto, qui c'est ? Eh bien le veto, bien sûr ! Notre vétérinaire Laetitia Barlerin. On s'intéresse à l'Allemagne, parce que ce soir c'est Allemagne-Ukraine, et que voilà, dans le monde des animaux, c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se trame dans les pays européens. On en a parlé il y a un instant avec maître Xavier Baquet. Autre clin d'œil maintenant à l'Allemagne, c'est avec le chien. Chien qu'on apprécie, qu'on connaît tous, c'est le berger allemand. Et nous sommes avec Virginie Debay qui est passionnée par cette race, au point qu'elle est éleveuse justement de berger allemand. Pour la fixe, les bergers de Villa Garde. Virginie, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, vous savez que le berger allemand est depuis des années le chien préféré des Français. Enfin, si on se rapporte, en tout cas, au nombre de naissances de chiens de race en France. En 2015, il y avait 10 751 précisément naissances de chiots berger allemand. Alors, d'abord, la première question quand même qui se pose, est-ce que le berger allemand est allemand? Oui, le berger allemand est bien allemand, oui. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Il n'y a pas de doute, non. Là, je vous dis ça parce que le berger blanc suisse n'est pas forcément suisse. Non, pas forcément. Le berger allemand est bien allemand. La race a bien été créée en Allemagne par M. Von Spezianis. Von Spezianis, je vais dire sérieusement. Il a établi un programme d'élevage consanguin dans son pays parmi les chiens bergers en 1884. Oui. Les études avaient démontré que le loup et le chien étaient interféconds à l'époque et que leur descendance conservait intacte leur capacité à reproduire. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a du loup dans le berger allemand ? Oui, la sélection des chiens bergers a été faite avec une louve, oui, effectivement. Tiens. Et je crois que la race a failli disparaître, ce qui est étonnant, parce que vu le succès voilà, aujourd'hui, c'est ça, ouais. En raison d'une mauvaise réputation. Une mauvaise réputation, oui, c'était après la guerre. Beaucoup ont voulu ramener leurs chiens après la guerre. La Première Guerre mondiale, oui. Et les gens ne savaient pas les tenir. Il y a eu beaucoup d'accidents. L'Alsace a essayé de s'accaparer la race. On a commencé à les appeler des chiens loups, des chiens de berger allemand. Et bon, après, l'Allemagne a repris la race, a repris l'élevage. Et les premiers chiens ont recommencé à refaire leur apparition en exposition. Les chiens bergers allemands sont bien revenus. Les Alsaciens ont essayé de piquer la race aux Allemands, c'est dingue ça. Pourquoi l'Alsace s'est accaparé la race après la Première Guerre mondiale. Virginie, pourquoi le berger allemand est-il si populaire à votre avis ? Si populaire parce que c'est un chien merveilleux, c'est un chien qui est fidèle, c'est un chien qui écoute, on ne lui répète jamais deux fois les choses, il est passionnant, il s'intéresse à tout, c'est comme un enfant et en même temps c'est un protecteur. Et il a deux personnalités. C'est-à-dire ? J'éduque mes chiens dans la maison, c'est comme mes enfants, et pourtant quand je sors, ce sont mes gardes du corps. J'ai l'impression de sortir avec mon meilleur ami. Est-ce qu'il faut beaucoup, parce que le problème des animaux intelligents, c'est qu'il faut beaucoup les stimuler. Oui, à partir de 2 mois, dès qu'on les a, dès qu'un propriétaire achète un berger allemand, il faut le sortir au maximum, lui montrer un maximum de choses. Parce qu'un berger allemand, on ne s'occupe pas, il attrape des névroses. Si vous le laissez sortir un chien, c'est pas le sortir dans le jardin. Parce que tous les matins, c'est une voiture qui passe à 7h, il va courir après la voiture. Le réflexe des gens, c'est d'acheter un collier électrique. Non, il faut parler au chien. Non, bien sûr. Voilà, bah, faut partager des choses avec lui, le stimuler, le sortir beaucoup, etc. Vous disiez aussi que c'est un chien très protecteur, Virginie ? Oui, ça n'a qu'un maître. Il se fixe très vite sur la personne qui va s'occuper de lui, qui va le nourrir. Et il protège tout ce qui est... il protège mes enfants, il protège mes autres animaux. Les gens arrivent tout de suite, ils dressent le poil sans attaquer, mais ils montrent attention, la dame n'est pas toute seule. Ah oui, d'accord. C'est bien pour les femmes. Alors justement, c'est quoi le profil type d'un possesseur de berger allemand ? Qu'est-ce qui est... voilà. Est-ce que c'est un chien de ville, un chien de campagne ? Est-ce que chien de famille ? Il n'y a pas de profil. C'est un chien qui s'adapte à tout le monde, aussi bien une personne âgée qu'à des enfants, qu'à des jeunes, des gens sportifs. C'est un chien qui s'adapte à tout. Vous pouvez le sortir partout. Ça prend pas de place dans une voiture, hein, malgré que c'est un grand chien. Ça va partout. Oui, mais enfin... J'ai des chiens. J'en ai qui vivent dehors et j'en ai qui vivent dans la maison. J'en ai une qui fait que du canapé. Et... comme un chat. Ils sont pas malheureux. Mais voilà, vous savez mais vous savez qu'on leur avait, enfin surtout dans les années 70-80, on les appelait les chiens loups. Parce que beaucoup de personnes ont peur de ces chiens. Vous les comprenez ? Oui, c'est un chien qui fait peur à tout le monde. C'est exact. Et est-ce qu'ils ont un caractère... Ouais, est-ce qu'il peut être agressif parfois ? Non, c'est ce côté à deux personnalités qu'a le chien. Il est protecteur et en même temps, il est enfant pour le maître. Et il fait peur à tout le monde parce que quand on ne connaît pas la race, justement, il nous protège. Et en même temps, il est tellement gentil. Ouais. Les gens qui viennent à la maison, forcément, tout de suite, il va à la barrière pour défendre. Et puis quand les gens sont rentrés, on lui dit c'est rien et il attaque ça. Et moi perso, Laetitia, vous savez, j'ai grandi avec un berger allemand en fait, parce que j'avais un oncle qui avait un berger allemand et c'était un chien mais d'une intelligence et d'un amour incroyable. Chien d'une gentillesse folle. Quand ils sont élevés avec les enfants, ils sont adorables avec les enfants. Merci beaucoup Virginie. Alors voilà, justement, éleveuse passionnée de berger allemand. Voilà, et nous allons pas parler. On a un petit peu parlé d'éducation du chien. On va en parler justement avec notre invitée Marie Sonia Etchegaray, qui est comportementaliste canin, qui vient d'arriver dans le studio et que nous allons entendre dans un instant. On va parler du permis pour chien, c'est ça. Oui, aussi. Et puis, juste après, vous découvrez MG. Alors, MG, c'est pas Michael Jackson. Non, c'est un beagle, mais qui est presque aussi connu que Michael Jackson. Hein, c'est ça, Laetitia. Oui, mais il est vivant, lui. Alors oui, petit détail. Il n'a que 3 ans. Lui, il est vivant, voilà, et c'est un chien, en plus. A tout de suite, c'était RMC, c'est le week-end des experts. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Jusqu'au 10 juillet, les plus belles rencontres se jouent en France. Mais pas seulement, elles ont aussi lieu chaque jour chez Temporis, le premier réseau national d'intérim et de recrutement en franchise. Intérim, CDI, Temporis, toute la réactivité de nos agences d'emploi partout en France. Retrouvez toutes nos solutions RH en agence ou sur temporis.fr. Chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Clio en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno, son système multimédia Airlink avec écran tactile et sa caméra de recul. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990 € sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d'une série limitée Clio Trend 9 jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. Passionné par l'automobile et la moto, découvrez la 8e édition de l'Autodrome Héritage Festival. Rendez-vous aujourd'hui aux portes de Paris sur le circuit mythique de l'Autodrome de Linas-Montlhéry pour vivre une journée exceptionnelle. De nombreuses animations pour petits et grands vous attendent. Balades en bus historique, initiation à la conduite de véhicules anciens, dédicaces de pilotes et plein d'autres surprises. Venez profiter de cette journée en famille et assister au concours d'État parrainé par la Ligue. Plus d'informations sur parisautoevent.com. 15 € sur place et gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés. Allez, un coup d'œil sur la météo de votre dimanche maintenant sur RMC, c'est avec Valentin Mailleux. Bonjour François, bonjour à tous. Et aujourd'hui encore, il fait gris et il pleut, excepté quand même sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et les Alpes, et même la Corse où le temps sera ensoleillé. Le vent souffle par contre jusqu'à 80 km près de la Méditerranée. En revanche, sur tout le nord-ouest du pays, ça reste perturbé avec de la pluie. À l'est, des averses aussi, entre la Champagne-Ardenne, l'Alsace et jusqu'en Bourgogne. Et puis au fil de la journée, ce temps maussade va continuer sur une bonne partie nord avec des averses et parfois même quelques coup de tonnerre localement. Les températures cet après-midi, 18 degrés à Brest, 19 pour Paris et Lille, 21 degrés pour Strasbourg, Bordeaux et Nantes, 23 pour Toulouse, 27 à Perpignan et 28 degrés à Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC, 7h30, un point sur l'actu. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Le hooliganisme au cœur de Marseille, scène de violence insupportable hier avant la rencontre de l'Euro entre l'Angleterre et la Russie. Des centaines de pseudo-supporters face à face. 35 sont blessés, principalement des Anglais. 4 le sont gravement et un Anglais ce matin entre la vie et la mort. Hier soir, Bernard Cazeneuve tenait une réunion d'urgence au ministère de l'Intérieur pour prendre des mesures, notamment d'expulsion de supporters identifiés hier à Marseille. L'Euro de football sur le terrain et les Anglais qui n'ont fait que match nul hier soir, un partout face à la Russie. Victoire du Pays de Galles 2-1 contre la Slovaquie. Et puis dans le groupe de la France, la Suisse a battu l'Albanie 1-0. Aujourd'hui, nouveau match classé à haut risque. C'est au Parc des Princes à Paris. Turquie-Croatie, face à face ensuite entre la Pologne et l'Irlande. Enfin ce soir, le champion du monde, l'Allemagne, affronte l'Ukraine. Le reste de l'actualité avec l'épuisement vraisemblablement du mouvement de contestation à la loi travail. La plus grande raffinerie de France à Gonfreville a voté la fin de la grève hier. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, pronostiquait malgré tout une manifestation monstre mardi prochain, 9e rassemblement unitaire contre la loi El Khomri. Un pompier sérieusement blessé hier au sein même de sa caserne. Cela s'est passé dans la Creuse. L'adjudant-chef est revenu tard dans sa caserne alors que des cambrioleurs étaient à l'action. Le pompier a reçu des coups de cutter au visage et un coup de couteau dans le ventre. Ses jours ne sont pas en danger. Et puis le château de Versailles aurait-il acheté plus pour 2,5 millions d'euros de faux meubles? Escroquerie de marchand d'art révélée hier avec l'interpellation cette semaine de 3 professionnels. Le château aurait fait l'acquisition de meubles présentés comme du 18e siècle alors qu'ils ont été fabriqués il y a quelques années seulement. 7h31 sur RMC, vous êtes avec Laetitia Berleret et François Sorel, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Berleret, François Sorel. Le week-end des experts, le retour. Évidemment, c'est les animaux jusqu'à 8h. Je vous rappelle qu'à partir de 8h, on changera d'univers. Ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Et on vous réserve un spécial assurance tout à l'heure. Toutes vos questions sur les assurances auto. Vous verrez que simplement en faisant jouer la concurrence, on peut arriver jusqu'à 30% de moins par an sur ses cotisations assurance. C'est pas mal. C'est intéressant. Et on en parlera donc avec des spécialistes qui seront là. Laetitia, on va maintenant parler du permis pour chien. Voilà, et de l'éducation du chien avec Marie-Sonia Tchégaré, qui est comportementaliste canin et félin et co-auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions Larousse, qui s'appelle « Mon chien est mal élevé ». Marie-Sonia, bonjour. Bonjour. J'adore. Bienvenue. La couverture de votre livre avec un chien qui est en train de... Oui, de partir avec une chaussure. Et c'est un beagle. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est MJ, le beagle, je ne pense pas, mais il ressemble beaucoup en tout il cas. Il est tellement mignon. Alors, on va commencer d'abord avec vous de parler, parce qu'on parle d'Allemagne depuis, d'Autriche depuis le début de l'émission. Et c'est une information qui est tombée la semaine dernière. Dorénavant, pour posséder un chien à Berlin, dans la capitale allemande, il faudra passer un permis. Un permis de conduire du chien, quoi, quelque part. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que comportementaliste? Moi, je pense que c'est une très bonne initiative et qui devrait être étendu à tous les pays d'Europe, notamment la France. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est quand même 7 millions de propriétaires en France. Ouais. Et ce serait bien utile d'apprendre aux gens... Responsabiliserait peut-être les gens plus, non? Je pense que ça aurait deux axes. Responsabiliser les gens, les aider à comprendre les comportements du chien, avoir un meilleur décodage. D'accord. Et ça aurait aussi probablement un rôle préventif. On a quand même 250 000 morsures par an. Ouais. Et je pense que faire de la prévention permettrait d'en éviter au moins 80%. Alors justement, le but que donne Berlin, c'est prouver que le propriétaire maîtrise son animal et que ce dernier ne met pas en danger ni les hommes, ni d'autres animaux. Alors il y a des épreuves pratiques, des épreuves théoriques, un test d'obéissance du chien. C'est incroyable, c'est vraiment, on dirait, un permis de conduire. Alors, vraiment, c'est ça. Tout à fait, c'est assez logique qu'il y ait une partie de connaissances théoriques pour comprendre et puis une partie d'application pratique. On n'a pas, en fin de compte, quand on achète un chien ou quand on adopte un chien, on n'a pas le mode d'emploi et c'est ça le problème en fin de compte. C'est l'essentiel du problème. Il y a énormément d'incompréhension et d'erreurs qui sont faites simplement parce qu'on n'explique pas aux gens, ils n'ont pas la traduction, ils n'ont pas le décodeur. Mmh. Et c'est essentiellement ça que font les comportementaliste, en fait, on traduit pour le maître, parce qu'il y a finalement rarement de problèmes qui sont purement issus du chien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chien qui a un problème, on vous consultez beaucoup pour des problèmes de comportement chez le chien, la plupart du temps, c'est dû à une mauvaise communication entre le maître et le chien ou mauvaise éducation? Oui, tout à fait. L'éducation et le comportement, c'est vraiment deux univers différents. Donc, on peut avoir un chien très bien éduqué et pas du tout équilibré, qui va détruire quand vous n'êtes pas là, mais qui sait s'asseoir à l'ordre. Oui, et c'est vrai qu'on réduit souvent l'éducation à assis couché, quoi. Voilà. Et elles sont très complémentaires, en fait, ces approches. Et vous pouvez aussi avoir un chien qui est bien dans ses poils, qui va faire la fête à tout le monde, qui est très équilibré et qui ne connaît rien. Donc, l'idéal, c'est bien évidemment d'avoir les deux, parce que ça se complète parfaitement. Alors, un permis pour chien, ça existe en France, mais pour certains chiens, pour les chiens dits de première ou deuxième catégorie, genre pitbull, hamster, rottweiler, comment se passe, il y a aussi une partie théorique, une partie pratique, comment se passent ces formations? Oui, tout à fait. Alors, la formation telle qu'elle est décrite par la loi, en fait, doit durer 7 heures et elle doit aborder 4 points essentiels. Donc, le premier, c'est la réglementation actuellement en vigueur. Oui, pour savoir un petit peu ce qu'il faut faire si on possède un rottweiler. Voilà. Tout à fait la responsabilité du maître. Ensuite, vous avez tout un chapitre sur le comportement canin. Donc, justement, la partie comprendre le comportement de son chien. Oui. Ensuite, vous avez une partie pratique, exactement comme à Berlin, avec de l'éducation canine, les règles de base de l'obéissance, qui est faite soit avec le chien du propriétaire, soit avec les chiens de la personne qui est formateur, au choix. C'est souvent des éducateurs qui forment. C'est souvent, mais ça peut être aussi des comportementalistes. Enfin, de toute façon, ce sont des gens qui sont déclarés, dont vous pouvez trouver la liste en préfecture. D'accord. Et pour finir, vous avez un volet sur la prévention des accidents, dont bien entendu des morsures. Voilà. À la fin de la formation, il y a une évaluation qui est faite de l'acquisition des connaissances et ensuite le certificat d'aptitude qui est remis au maître. Mais ce permis qui est obligatoire pour certains chiens en France, c'est des chiens qui sont pas dangereux. Je dis pas que c'est des chiens méchants, mais qui sont gros, qui sont puissants. Mm-hmm. Est-ce que un permis chien, c'est aussi un permis qui serait efficace aussi sur des gens qui ont, je sais pas, un Chihuahua, un York ou un... Oui, bien sûr, parce que même des petits chiens peuvent faire des dégâts au niveau des morsures. La dernière fois, j'ai vu une fracture ouverte faite par un chien qui est un Lhasa Apso, donc un tout petit chien qui fait 5 kilos. Oui, c'est tout petit, ça, oui. Oui, sur une petite mamie qui a la peau fine et qui a les os fragiles, ça peut très bien arriver. Il suffit qu'il morde dans un tendon et vous pouvez partir à l'hôpital. Donc, moi j'ai un chihuahua, il a 13 ans, il a plus de dents. Donc, dans ce cas-là, c'est plus les risques. Tout à fait. Sauf s'il vous lâche une plaie, comme les varans de Komodo, éventuellement. Mais dans tous les autres cas, n'importe quel chien, même un petit, peut faire des dégâts sur un bébé. Puis bon, accessoirement, le permis ne concerne pas que la prévention des morsures, c'est aussi le savoir-vivre en société. Ce serait bien utile. Et savoir comprendre son chien et puis avoir aussi une harmonie de vie entre le chien et l'homme, c'est ça qui est important. Tout à fait. Alors, j'ai deux points à préciser. Le premier, c'est que contrairement à ce que les gens ne savent pas, c'est que le certificat d'aptitude doit être obtenu avant de prendre le chien. Souvent, ils prennent un chien en élevage et ils pensent que comme c'est un chiot, ils ont le temps de faire la formation. C'est faux. Il faut faire la formation avant d'acquérir le chien. Et le deuxième point, c'est concernant les chiffres en termes de compréhension des mécanismes animaux et de l'impact que ça a, puisque vous parliez de prévention au début. À Montréal, ils ont mis en place un permis chien. Et pour certains arrondissements de la ville, un permis chat. Ah bon? Oui. Un permis chat? Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire? C'est-à-dire, pareil, une formation et une capacité à détenir un animal, qui est surtout de la prévention et de l'information. D'accord. Depuis qu'ils ont mis ça en place, ils ont observé une chute de 40% des abandons. Ah bon? Oui, ce qui est quand même c'est-à-dire énorme. Ça a un coût, tout ça aussi. Que ça soit le permis en France, à Berlin ou à Montréal. Est-ce que ça décourage pas les gens d'avoir un animal, tout simplement? Ouais, déjà, je pense que en termes de responsabilisation, un animal, c'est un budget. Donc, mais quelque part, ça nous fait réfléchir. Ça oblige à réfléchir avant. Puis ça investit la personne dans sa démarche. Donc je pense que ça éviterait probablement surtout beaucoup d'adoptions irréfléchies et d'acquisitions irréfléchies. Alors justement, vous intervenez en tant que comportementaliste quand il y a des problèmes de comportement. Quels sont les problèmes de comportement les plus fréquents chez le chien? Alors, Moi, j'ai un axe un peu particulier puisque je m'occupe aussi d'une association de protection de chiens. En tant que comportementaliste, d'une façon générale, je dirais que on a beaucoup, les problèmes les plus récurrents, c'est les chiens qui s'ennuient. Qui font des dégâts, oui, parce que en fait, souvent quand on ouvre la porte du jardin et on dit on va sortir le chien, en fait le terme le plus exact devrait plutôt être on met le chien aux toilettes, parce que finalement c'est guère que ça qu'il fait dans le jardin, et quand vous êtes dans vos toilettes vous vous ennuyez rapidement, c'est exactement pareil pour lui, c'est des animaux sociables, ils s'ennuient très vite. Il n'est pas stimulé, quoi. Donc, tout à fait. Donc ils aboient après les voitures. Pour lui c'est une pièce supplémentaire de la maison. Exactement. Oui, si c'est un petit jardin, si vous avez un grand jardin, plusieurs animaux, non. Mais c'est vrai que dans le contexte habituel, c'est pas très stimulant pour un chien. Donc il y a beaucoup de manifestations d'ennui et puis donc des chiens aboyeurs. Donc votre rôle, c'est d'expliquer aux propriétaires de ces chiens que leur chien s'ennuie. Oui, d'expliquer ça et puis d'intervenir dessus pour résoudre le problème aussi. D'accord. Et donc, dans le cadre de mon association, ce qui se présente le plus souvent, c'est plutôt de l'hyperattachement. C'est-à-dire que le chien, quand il est adopté, traverse une phase d'attachement à son maître. Oui, et qu'il est tellement stressé qu'il a besoin de cet attachement aussi, déstabilisé. À un moment, il réalise que c'est bon, il va rester là, que c'est terminé les galères et que il va être, ça y est, c'est son propriétaire. Et il a souvent une petite phase de panique qui dure quelques semaines, où il peut faire des petites bêtises, mâchouiller les chaussures, pleurer quand il est seul. Bon, moi, j'interviens à ce moment-là et pour pas simplement faciliter la phase d'adoption, c'est le problème qu'on a le plus courant qui se résout très facilement. On revient dans un instant, Laetitia. On va poursuivre, bien sûr. Et puis, dans quelques minutes, on va vous faire découvrir MG. MG. Voilà. Bon, alors écoutez, c'est un peu énigmatique. On dirait un DJ quand même. Hein, c'est mais ça, non, c'est ça. Il est très connu, mais c'est un chien. Voilà, un chien qui est star sur les réseaux sociaux. Et oui, on est comme ça dans ce rendez-vous animaux sur RMC. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC. J-3 avant le match de la France face à l'Albanie. Soutenez les Bleus en participant au Playback Challenge de Carrefour. Plein de cadeaux sont à gagner, des téléviseurs, des places de match et même votre place dans le clip des supporters des Bleus par Skip the Use. Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France de football. Règlement sur l'application Playback Challenge de Carrefour. Hey, hey. Kia. Voilà, les premières surprises de l'Euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite aux portes ouvertes Kia du 10 au 12 juin. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe, et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien est-ce le whisky Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Allez-y, entrez! Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. Passionné par l'automobile et la moto, découvrez la 8e édition de l'Autodrome Héritage Festival. Rendez-vous aujourd'hui aux portes de Paris sur le circuit mythique de l'Autodrome de Linas Montlhéry pour vivre une journée exceptionnelle. De nombreuses animations pour petits et grands vous attendent. Balades en bus historique, initiation à la conduite de véhicules anciens, dédicaces de pilotes et plein d'autres surprises. Venez profiter de cette journée en famille et assister au concours d'État parrainé par la LIC. Plus d'informations sur parisautoevent.com. 15€ sur place et gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990€, tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 juin, la nouvelle Opel Karl, désignée citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 euros. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Merci d'être toujours avec nous, le week-end des experts des animaux. Et dans une dizaine de minutes, un petit peu plus, ce sera 8h, on retrouvera la météo, les infos. Et ensuite, changement d'univers avec l'automobile. 2 heures dédiées à l'auto avec notre expert Jean-Luc Moreau. On parlera entre autres des assurances, je vous le disais tout à l'heure. Et avant de découvrir Engie Star sur les réseaux sociaux, 92 000 followers Instagram. C'est énorme, hein? Et bien, compter les followers aussi sur Twitter et sur Facebook. Mais voilà, on aura Noam et Diana qui sont les propriétaires de ce Beagle, de Engie. Avant de découvrir MJ, eh bien nous poursuivons avec notre invitée Marie-Sonia Etchegaray. Voilà, qui est comportementaliste et co-auteur du livre « Mon chien est mal élevé » aux éditions Larousse. Alors justement, on peut se demander comment se passe une séance avec un comportementaliste. C'est-à-dire, on vous appelle, qu'est-ce que vous faites? Vous venez chez les gens, vous mettez le chien sur le canapé ou... Je lui fais un petit massage et je lui fais une thérapie. Non, pas du tout. Enfin... chacun des comportementalistes a sa méthode. Disons que moi, je me rends chez les gens parce que j'estime qu'on peut voir le comportement du chien dans son environnement qu'à ce moment-là. Oui. Et une consultation, ça dure environ 2 heures. Ah oui. Le temps de faire le tour complet du problème, de voir les tenants et les aboutissants, d'expliquer aux gens. Et puis, je fais un suivi derrière qui peut s'étaler sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois des fois. Et quand j'accompagne des adoptants dans le cadre de l'association, ça peut arriver que des gens me rappellent parfois un an après, un an et demi. Bon, souvent pour me donner des nouvelles, mais aussi pour me poser quelques questions. Mais globalement, c'est comme ça que ça s'articule, une consultation très détaillée et puis après un suivi progressif qui s'étale dans le temps. Ça, c'est pour le comportement, pour l'éducation, ça peut être des séances. Oui. Voilà. Mais quand vous rentrez comme ça dans l'intimité des gens, il peut y avoir aussi des problèmes familiaux ou de couple ou qui imprègne un petit peu la relation avec l'animal, et dans ces cas-là qui... Oui, tout à fait. Alors c'est ça qui est justement important dans cette profession, c'est qu'il faut connaître les limites. Oui. De son axe d'intervention. Il faut savoir aussi à un moment donné avoir l'honnêteté de dire aux gens, écoutez, là je pense que le problème vient plus de votre relation de couple par exemple, des tensions qu'il y a entre vous que du chien, ça dépasse mon cercle de compétences, donc allez voir un conseiller conjugal, ça m'est déjà arrivé. Moi, je peux gérer les problèmes relationnels que vous avez avec votre animal, mais je suis pas là pour me substituer à quelqu'un qui est compétent dans cette branche. Donc, il faut aussi bien connaître son domaine d'action, parce que parfois, ça se télescope aussi joyeusement, en effet. Et pour terminer, vous faites aussi des consultations pour les chats? Oui, ça m'arrive aussi. Et quels sont les problèmes? Alors, chez les chats, c'est beaucoup, beaucoup du marquage, parce que les chats vivent dans un monde d'odeurs. Oui. Et tout peut les perturber. Vous changez de parfum, ils marquent. Votre voisin emménage avec un chat et vous marchez sur le palier, vous ramassez des molécules d'odeur du chat voisin. Et c'est parti. Il marque. Et oui. Enfin bref, donc c'est avec les chats, c'est plus un jeu de pistes pour comprendre d'où vient le problème et parfois c'est un détail mais infime qui fait que le chat va être perturbé. C'est passionnant en tout cas. Merci beaucoup Marie-Sonia. Merci. D'avoir été avec merci. Nous. Voilà. Auteur de Mon chien est mal élevé. Voilà, aux éditions Larousse, que je vous conseille, qui est très bien illustré, très bien expliqué justement si vous avez des petits problèmes avec votre chien. Avec en couverture un beagle qui mange une chaussure. Et voilà. Enfin, plutôt un lacet de chaussure. Avec un lacet de chaussure. Belle transition. Belle transition. Pour parler d'un autre beagle. Voilà. Qui s'appelle MJ, voilà. Qui est star des réseaux sociaux. Je ne sais pas, si Marie-Sonia, si vous le connaissez ou pas. J'avoue honteusement que je n'en ai pas entendu parler. Alors qu'il est connu dans le monde entier. Alors là, franchement, il faut le suivre sur Instagram. En général, j'ai plutôt affaire à des chiens qui ont des problèmes, pas des chiens qui vont bien et qui sont des stars. Donc. Et Noam et Diana, qui sont les propriétaires de MJ, sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour. Alors, votre chien, ce Beagle, est une star mondiale. Alors, j'aimerais quand même que vous racontiez comment a commencé l'aventure. Et je crois que c'est une histoire d'oreille, c'est ça? Alors, je sais pas si c'est Diana ou Noam. C'est une histoire d'oreille au bout de quelques mois, en fait. Au départ, c'était pas ça. Mais déjà, avant toute chose, je tiens à préciser que le livre, avec le petit Beagle qui mord une chaussure sur la couverture, nous intéresserait quand même beaucoup. Ah, ben, on va vous l'offrir. On va vous l'envoyer. Je ne dis pas que MJ fait des bêtises, mais c'est toujours intéressant à lire. Et bien, on va vous l'envoyer avec plaisir. Super. Mais ça me fait une bonne transition en fait avec l'histoire du début de la page d'MC, qui était justement de prendre des conseils auprès de d'autres maîtres de Beagle. Oui. Parce qu'en fait c'était notre premier chien, que ce soit à Noam ou à moi. Ah, et justement vous n'aviez pas, on parlait, vous n'aviez pas le mode d'emploi. Voilà, on n'avait pas le mode d'emploi, et je vous avoue que quand on faisait des recherches sur cette race sur Internet, on avait plutôt des termes qui pouvaient faire peur. Donc on s'est dit, on va aller à la, entre guillemets, à la rencontre virtuelle de d'autres maîtres de Beagle via une page Instagram, via le hashtag Beagle, pour pouvoir voir vraiment comment se comporte cette race, dans quel environnement il est le plus heureux, et puis voir si vraiment ça pouvait coller avec notre mode de vie avant de le recueillir chez nous. Et alors? Et alors, tout se passe très bien. MJ est plutôt. Et cette histoire d'oreille, racontez-moi. L'histoire d'oreille, je vais laisser Noam prendre le relais. Allez Noam, à vous. Alors, l'histoire d'oreille, en fait, c'était une balade dans les rues de Toulouse, avec des regards, on va dire, assez insistants de la part des gens qui étaient autour de nous, on va dire un peu plus que d'habitude. Et en fait, en baissant la tête, on a vu qu'on s'était arrêté juste avant l'entrée du métro sur une bouche d'aération. Et donc, on avait notre petit MJ qui à l'époque avait 2 mois, avec les oreilles qui ont flotté, on va dire, pendant 2 ou 3 secondes. Genre Marilyn Monroe avec sa robe. Alors, voilà, c'est la ça. Scène de Marilyn Monroe. Alors la petite histoire, c'est qu'on l'a pas posté très vite sur les réseaux, parce qu'au début, la page d'MJ, c'était, comme l'a dit Diana, c'était vraiment pour s'informer, mais c'était aussi surtout parce qu'on savait qu'on allait être gaga d'MJ, de cette petite boule de poil, et qu'on n'avait pas envie en fait de perdre des amis. Et donc on s'est dit, on va lui créer sa propre page, comme ça on les embêtera pas. Et donc c'est sur cette page que, on va dire, quand il avait 8 ou 9 mois, on a publié cette petite vidéo d'oreilles volantes. Et alors là, ça a été ce qu'on appelle, entre guillemets, un buzz, c'est-à-dire que on s'est retrouvé avec la tête de notre chien un peu partout dans le monde, sur des sur des pages Facebook, à la télé, un peu partout, on va dire. Et c'est un peu là, on va dire, où on a pris conscience de la chose un peu. C'est dingue, quelques images suffisent. Hein. Et alors, il a une page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram. Combien de fans en tout? Oula. Vous avez compté? Faudrait qu'on mette tout bout à bout. Déjà sur Instagram, c'est plus de 92 000, c'est ça? Oui, exactement. Après, je vous avoue que c'est principalement sa page Instagram en fait qu'on a développée. Oui. Après, on s'est occupé de sa page Facebook aussi ces derniers mois, parce que finalement, justement, on s'est rendu compte que c'était surtout sur Facebook qu'il y avait un potentiel d'activité, de repartage sur des grosses pages. Oui. Et donc là, on s'en occupait ces derniers mois, et là, on arrive bientôt à 15 000. D'accord. Ah ben c'est déjà pas mal comme un chien. Alors, oui. Mais comment vous, alors vous alimentez régulièrement, j'ai été voir vos différents comptes avec des vidéos, des photos. Comment vous faites pour le mettre en scène? Parce qu'on a l'impression qu'il a 10 000 vies, votre chien. ça, on va dire, c'est vraiment lui, c'est lui le point de départ, et c'est vraiment lui la source d'inspiration. C'est-à-dire, oui, qu'on va dire 95% de ce qu'on va publier, en fait, c'est assez classique. C'est-à-dire, c'est ses balades, que ça soit en ville ou que ça soit sur le champ de Mars à Paris, ou à la montagne. C'est surtout ses siestes aussi. Genre, oui, c'est les photos que nous, on adore partager et que les gens préfèrent. C'est quand on le voit juste, lui, étalé sur le canapé, en oui, mode, voilà, chien bien heureux. Oui, il est pas souvent dans son couffin, hein. Et souvent sur les fauteuils, canapé, lit. J'ai remarqué, hein. C'est vrai qu'on lui a autorisé quand il était petit, et donc forcément, c'est resté. Ah, bah, maintenant, c'est foutu, hein. Je vais être honnête, il a même son propre canapé. Ouais, mais ça, c'est normal. Mais c'est une star. Ça, c'est la classe, quand même. J'allais dire, il faut être tout à fait honnête quand même et parler de son canapé personnel. Mais alors, dites, c'est une star sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est, vous habitez à Toulouse, est-ce que c'est une star dans votre ville? Est-ce qu'il est reconnu dans la ville? Alors, c'est arrivé quelques fois, ça arrive plus souvent, là, je vous avoue, ces derniers mois qu'au départ, parce que c'est vrai que dans les premiers temps, MJ était plus connu à l'international qu'en France. Oui. Par contre, très honnêtement, on n'est pas forcément arrêté pour MJ en tant que MJ The Beagle, le chien d'Instagram, mais plus pour MJ tout court, en fait. Oui, parce qu'il est beau. Et tous les jours, on a des gens de tous horizons, des petits enfants qui veulent le caresser. C'est vraiment un bonheur. Mais on est plus arrêté pour MJ en tant que lui-même. Bah, vous, c'est votre premier chien, mais vous êtes quand même tombé sur une pépite, parce qu'alors il a une bouille incroyable et en plus il est gentil. Comment vous avez fait? on a eu beaucoup de chance. Après, je pense qu'on a été particulièrement, comme c'était notre premier chien, on savait pas trop en fait comment le choisir. Donc en fait, on a un peu squatté, excusez-moi du mot, l'éleveur qui est un éleveur familial chez qui on a décidé de le prendre. Et en fait, on y allait, je crois, 3 ou 4 fois avant d'avoir le droit de le ramener à la maison avec nous. Ce qui fait qu'en fait, on a passé des après-midi assis au milieu de la portée parce qu'il vient d'une portée assez nombreuse. Il a perdu sa maman quand il avait 2 semaines, 3 semaines. Et en fait, ce qui fait qu'à partir de là, quasiment toutes les semaines, 10 jours, on y était et on y passait une après-midi. Donc on y a été peut-être 3 fois avant de pouvoir choisir. Vous êtes consciencieux, hein. Il y a ça, et puis on était 2 aussi, et donc en fait sur les, il y avait 7 chiots sur la portée, sur les 7 en fait c'est le seul qui a été à la fois vers Diana, à la fois vers moi, qui ne m'a pas mordu, qui n'a pas mordu mes chaussures. Il a été parfait dès le début en fait. Merci beaucoup. Alors c'est MJ The Beagle, hein. Voilà, on va le voir dans une publicité ou dans un film prochainement. Dans le rôle de mascotte de sa propre marque qui arrive la semaine prochaine. Ah, bravo, c'est très bien. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que nous, on a décidé de vous faire découvrir MJ The Beagle avec une petite vidéo où on voit justement ses oreilles La vidéo qui l'a rendu célèbre. Exactement. Voilà, dans le monde entier. MJ, merci en tout cas. Merci à tous les deux, à Noam et à Diana. Et donc, pour retrouver cette vidéo, la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Vos Animaux sur RMC. Vous cliquez sur j'aime et comme ça vous pourrez nous suivre tout au long de l'année. Laetitia, on sera là dimanche prochain. Et oui, je vous souhaite un très très bon dimanche, une très bonne semaine. Je vous embrasse et à dimanche prochain. Jean-Luc Moreau, l'automobile dans un instant avec un spécial assurance tout à l'heure pour faire des économies concernant son assurance auto. Ce sera après la météo et les infos de 8h. À tout de suite. Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr. En ce moment, pariez sur les matchs de l'équipe de France sur PMU.fr. PMU.fr vous offre 10 euros à chaque but des Bleus. N'attendez plus, pariez sur le foot sur PMU.fr. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Offre réservée aux titulaires d'un compte PMU.fr valable jusqu'au 10 juillet 2016. Limité à 3 paris gratuits de 10 euros par match, crédité dans les 72 heures suivant le match. Conditions détaillées sur PMU.fr. Bonjour patron. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin Berthier, vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien au volant d'une Citroën avec 1 an d'assurance offert. Dépêchez-vous du 10 au 20 juin avec Citroën Assurance. Votre première année d'assurance est offerte sur toute la gamme Citroën. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Hors vitamine et véhicules électriques soumis à conditions sous réserve d'acceptation de l'assureur dans les points de vente participants. Conditions de l'offre détaillées sur citroën-assurance.fr. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Je viens d'avoir 40 ans, je fais ce que je veux. Je me suis même fait percer. Où ça? Ah non, je te le dis pas. Et j'ai rendez-vous avec le stagiaire parce que, non, les soirées télé avec François. Ah ouais. La Ford Fiesta aussi a 40 ans et elle se lâche. Jusqu'au 30 juin, la Ford Fiesta édition 5 portes EcoBoost 100 chevaux avec air conditionné, audio sync Bluetooth et navigation est à 149 € par mois. Venez l'essayer en concession et tentez de la gagner. LOA avec premier loyer de 1990 € puis 47 loyers de 149 € par mois. Coût total si achat 14 494 €. Réservé aux particuliers si acceptation par Ford Crédit. Offre et règlement sur Ford.fr. C'est l'heure de la météo maintenant sur RMC. La météo de votre week-end avec Valentin Mailleux. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Un dimanche toujours sous la pluie au nord mais ensoleillé au sud. Alors dans le détail, au nord-est ce matin les averses sont fréquentes de la Champagne-Ardenne jusqu'en Bourgogne. Il pleut aussi surtout le nord-ouest entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Cet après-midi le ciel restera maussade sur une large moitié nord avec des averses et localement même des orages. Au sud par contre on profite encore du beau temps mais il y aura du vent qui soufflera jusqu'à 80 km/h près de la Méditerranée. Demain une bonne partie de la semaine ce temps perturbé va continuer avec des averses mais toujours du soleil dans le sud. Les températures sont en baisse. Cet après-midi, il fera 18 degrés à Brest, 19 pour Lille et Paris, 20 à Clermont-Ferrand, 21 degrés pour Strasbourg, Bordeaux et Nantes. Cet après-midi, 22 à Lyon, 23 pour Toulouse, 25 à Ajaccio, 27 pour Perpignan et 28 degrés à Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine.